Vous aimez les podcasts? Les Mystérieux Étonnants et Choc FM présentent la deuxième édition du podcast All Stars, une émission spéciale qui regroupe certaines des meilleures émissions en balado-diffusion au Québec. Le tout sera diffusé en direct sur www.mystérieuxétonnants.com le 12 octobre à compter de 18 h. Le podcast All Stars, un rendez-vous à ne pas manquer. Yeah. Hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Québec. MacQuébec.com, le podcast. C'est toutes les nouveautés Apple, commentaires et critiques, vos questions, nos réponses et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de Mac Québec. MacQuébec.com. Qu'on utilisait depuis les débuts. C'est un autre style. C'est un autre style. Mm-hmm. C'est FM. C'est un autre style, mais il y a encore beaucoup de monde qui en font jouer. J'entends ça des fois à TV. Là. 72 podcasts. Non, pas les podcasts. Là. La télévision, il y a des pubs de télé c'est que j'entends. C'est l'émission de Patrick Groulx à Canal Z. Là, c'est plein de jingles de Final Cut, justement. Oui, il y a encore beaucoup de monde qui prennent les chiens. En parlant de pubs radio et de chansons, vous remarquerez mes calinettes et le Village des valeurs utilisent actuellement Thrift Shop comme chanson toutes les deux à radio. C'est très, très drôle. Bienvenue à vous. Bienvenue au podcast Mac Québec. Pour nous rejoindre, vous pouvez nous écrire sur Twitter, sur Mac Québec Entraide, à podcast@macquebec.com ou nous téléphoner au 1-877-561-2357 sans frais de partout en province. Le podcast de Mac Québec est maintenant le seul qui est produit par Mac Québec. L'émission Les amateurs de Mac Bonsoir n'existe plus sous sa forme précédente, mais sera plutôt intégrée au podcast Mac Québec. Ça va nous permettre de jouer un petit peu avec les invités, jouer un petit peu avec les nouvelles. Puis d'ailleurs, ce soir, on a deux invités que je vous présente dans quelques instants. Qui viennent nous parler de iOS 7. C'est majoritairement ce à quoi on va s'attarder aujourd'hui. Les auditeurs peuvent toujours nous soumettre leurs questions et problèmes sur les différents produits appartenant en utilisant les moyens habituels, soit via Twitter, en utilisant le hashtag PodMQ sur la plateforme Mac Québec Entraide au www.macquebec-entraide.com. Je le dis bien parce qu'il semblerait que durant les dernières semaines, il y a comme moins de questions. C'est un petit peu mort. Ouais. Mm-hmm. En nous écrivant au podcast@macquebec.com, je l'ai déjà dit, ou par téléphone, on l'a déjà dit. Qui c'est qui écrit mes textes ici? Donc, aujourd'hui, avec moi, se joint mon collègue de toujours, Jean-François. Oui. C'était notre anniversaire, Jean-François, cette semaine. Ah oui, merci. On est mardi le 8 octobre. Et un petit peu plus tôt cette semaine, on fêtait le deuxième anniversaire de la mort de Steve Jobs. Mais c'est la première soirée où on a fait un podcast pour la première fois ensemble. Oui. On venait, moi et Bernard, de faire le podcast sur le iPhone 4 ou 4S. Bernard devait aller à d'autres endroits, s'occuper de d'autres choses. Et en quelques instants, on a décidé de former une équipe du tonnerre. Et Steve Jobs a décidé de mourir pour notre premier show. Fait que, disons que c'était pas le show le plus... On avait eu du fun. Je sais pas si je dirais ça, là, mais oui, il y avait eu quelque chose d'intéressant. Ouais. Puis on avait créé quelque chose. Il y a Martin Lessard qui était venu, si je ne me trompe pas. Il y avait une madame aussi, je ne me rappelle plus qui. Elle était venue nous rejoindre sur Hangout à un moment donné. C'est pas Diane Bourque? Je me rappelle plus de son nom. Oui, je pense que c'est Diane Bourque qui était venue nous rejoindre. Fait que, je me rappelle plus. Jean-Michel qui est avec nous. Salut Alexis. Cette semaine, on a fêté un anniversaire, toi puis moi. Je sais pas, je dis ça juste pour faire un segway, mais non, on n'a rien fêté. Ça va bien, Jean-Michel? Oui, très bien, merci. Passez une bonne semaine. Oui, occupé avec l'école. Mais c'est ça, j'allais dire, t'es dans le jus. Oui. Oui. Ben, c'est le fun que tu aies laissé ton avenir, ton apprentissage pour venir faire le podcast avec nous. Je suis sûr que les auditeurs l'apprécient beaucoup. Avant de commencer, d'abord, en fait, je vais vous présenter nos deux invités. Il y en a un que vous ne voyez pas nécessairement, mais on a un système super sophistiqué de deuxième caméra. Et à l'écran en ce moment, celui qui fait le move de Duchesse du Carnaval, c'est François, c'est François Proulx, un vieil ami du temps de Hill sans fil. Ça va bien, François? Oui, bonjour, Alexis. Oui. Tu es développeur de pas mal n'importe quoi. Tu t'es intéressé au mobile dernièrement? Pas juste dernièrement, depuis environ les 6 dernières années. Donc vraiment, même avant que le SDK de Apple officiel soit sorti, donc on parle... Enfin, le début du jailbreak, je faisais déjà un petit peu de développement, inspecter comment la plateforme, la première version fonctionnait, tout ça. Ça date de ce moment-là, mais je fais du développement web, mobile, etc. Excellent. Tu as été étudié au MIT, si je me souviens bien, ce collège de community aux États-Unis. J'ai étudié à Montréal, mais j'ai fait presque un an au MIT la dernière année de l'université. On va parler un petit peu plus tard de iBeacon avec iOS 7, mais déjà à l'époque, si je me trompe pas, tu avais fait un projet qui était, somme toute, similaire ou en fait au niveau du balbutiement des points d'accès géolocalisés et tout ça? Jusqu'à un certain point, oui. On parlait d'un système de géolocalisation basé sur les signaux Wi-Fi. Donc oui, c'est quand même un peu relié à ce genre de système-là. Excellent. Je vais te demander de passer le micro. Et vous allez l'écouter. Moi, son accent me fait triper. C'est pour ça que je l'invite. Je connais d'autres... développeurs, mais Frédéric Brunel, j'aime beaucoup quand il parle, j'aime beaucoup quand il vient nous parler. Ça va bien, Fred? Oui, ça va bien. Il veut rien dire. Oui, ça va bien. Mais quoi, c'est quoi le problème? T'en as pas, c'est ton charmant accent. Ah, OK. Donc, Fred, qui est déjà venu à l'émission, ceux qui nous suivent depuis longtemps, et on t'a réinvité parce qu'il y a beaucoup de changements dans iOS 7 dont on veut parler. On pensait qu'on avait besoin de deux bouches plutôt qu'une pour nous raconter tout ça. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu fais de ce temps-ci? Tu t'en vas vers où? Ah oui, ben écoute, ben merci de m'inviter encore une fois. Ça fait plaisir. C'est un plaisir de venir. Écoute, moi, je développe des applications depuis 2008 au sein de ma propre compagnie que j'ai quittée récemment. Mais bon, ça, c'est encore pour un autre show. Mais sinon, moi, j'étais dans le mobile depuis 2001, au tout début de G2ME, dans lequel c'était l'enfer. Hein, fallait dire avec tu programmais sur Newton ou... À l'époque, j'étais pas vraiment Apple en 2001. Okay. Je commençais à être Apple à peu près en 2003. Puis c'est là que j'ai commencé à rentrer dedans. Mais tu sais, c'était vraiment encore sur le WAP, les premiers appareils mobiles en blanc et noir. Puis dès qu'il y a eu l'iPhone, j'ai sauté dessus parce qu'il y avait vraiment de quoi faire. Ben oui. Toutes les apps auxquelles moi je rêvais de faire en 2001, ben, enfin, tu avais une plateforme pour la quoi faire. Puis on a vu là, au cours des dernières années, le marché a complètement changé, ça a explosé. Donc c'est encore très excitant maintenant. Vous aviez développé chez WearCloud, si je me souviens bien, une application au tout début de l'émergence de Twitter. Ouais. Qui s'appelait... Reportage. Reportage. Et elle était vraiment spéciale. Il n'y a rien encore qui est sorti qui remplace Reportage. Non, je suis bien triste de ça. Elle ne fonctionne plus, cette application-là? Non, parce que dès que Twitter a enlevé leur méthode d'authentication, elle sait qu'il fallait avoir des tokens, on a laissé tomber, on a laissé faire. Mais c'était le fun, parce qu'à l'époque, l'idée, c'était de plus avoir une timeline linéaire, mais d'avoir plutôt des avatars. Et j'ai vu quelques services qui étaient similaires après ça. Inspirés peut-être. Exactement. Mais vous aviez, c'était un peu comme transformer le timeline des gens en chaîne de radio. Ouais, tu avais un espèce de sélecteur analogue qui te montrait en fait plus gros les avatars que tu écoutais le plus et tout ça. C'était vraiment intéressant. Puis, à l'époque, ça fonctionnait bien, mais avec la puissance qu'on a dans le téléphone aujourd'hui, Je pourrais faire vraiment... C'est quand moi, j'ai commencé à faire setup, c'était quoi? En 2008, 2009, au tout début, sur le premier iPhone. Donc, dès que tu faisais quelque chose d'un peu, un peu fancy en termes de visuel, ça ne marche pas. Écoute, moi, je me rappelle quand j'ai eu le 3GS que je suis allé chercher à l'Apple Store. La première chose, j'ai loadé mon app, ça tournait deux fois plus rapidement. J'étais là, waouh. C'est full puissance. Puis maintenant, tu as le nouvel iPhone 5 qui sort. Puis tu es là, c'est 64 bits, whatever. On va en parler un petit peu plus tard. Bon, Avant de continuer, en fait, Mac Québec, le podcast Mac Québec aimerait remercier ses commanditaires. Et vous pouvez devenir, vous aussi, commanditaire en nous contactant. Mais pour l'instant, on aimerait remercier ClickPom, ReptileTech et iRepair Montréal, qui sont nos commanditaires actuels. Donc, ClickPom qui m'emploie et qui me prête à Mac Québec plus souvent qu'autrement. ReptileTech, en fait, qui sont des sauveurs de vie quand on fait des diffusions et qui font des transferts de sites web en moins de 15 minutes chrono. Et iRepair Montréal, chez qui on envoie tout le monde qui nous demande « Hey, mon iPhone s'est cassé la figure, où est-ce que je le fais réparer? » Mais vous le faites réparer chez iRepair Montréal. Qui offre un très bon service. D'ailleurs, il y a ma demi-sœur que j'ai envoyée là, justement, quand la vitre de son iPod Touch était craqué. Mm-hmm. Ça l'a pris. Le lendemain, elle avait son iPod Touch de réparé. Oui, pour une somme de combien? Pour 70 $. Ah, c'est quand même... pas si pire. Oui. C'est quand même très bien. J'essaie de retrouver le feed de nouvelles. Juste une petite seconde. On va se mettre tout de suite à parler de iOS 7, je pense. Il y a beaucoup de choses à dire. Juste une petite seconde. Est-ce que tu les as mis, toutes les questions? Je les ai. J'ai pas eu le temps de les copier avant. Ah, voilà. J'ai tout ça ici. Bon. On va copier ça. Toutes les questions que je t'ai proposées, c'est ça? Oui, exactement. C'est toi qui as monté le truc au complet. Fait qu'on va les rajouter. On peut discuter de ça pendant 3 heures. Oui, mais on n'a pas 3 heures de show. Donc, 18 septembre, iOS est sorti. Il y a encore quelques petits bugs à l'application. Moi, c'est le Springboard reboot quelques fois. Pas par jour, mais ça arrive. Oui, ça m'arrive. Non, moi, c'est un problème de batterie, clean. Moi. Ah, OK. Moi, ça tombe de 14 à 3% en 2 secondes, c'est un éclair. J'ai jamais vu une batterie. C'est fini. Ah ouais, c'est. Moi, j'essaie de télécharger une précommande d'un album sur iTunes tantôt, puis justement, mon iPhone aurait démarré, puis j'ai jamais été capable de télécharger ma musique. Fait qu'il y a des petits problèmes. D'abord, en fait, qui ici a le nouvel iPhone? Non, vous n'avez pas. Mauvais développeur. méchant développeur. Tu avais proposé qu'on parle d'histoire de file d'attente, mais on l'a déjà fait. C'est bon, je savais pas. Donc, on est tout le temps là. Puis là, ils viennent d'annoncer aujourd'hui même que l'annonce du nouveau iPad devrait être faite le 22. Et si on calcule le vendredi d'après, c'est le 31 octobre. On va aller faire la file pour l'Halloween. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ma copine ne sera pas très contente de l'apprendre. Ma chaise est encore dans le coffre de mon auto. Je ne l'ai même pas enlevé. Ben, c'est ça qu'il fallait faire. Non, en général, je skip une génération. J'avais le 4, je suis passé au 5, donc je vais probablement passer au prochain. Mais j'ai fait la même chose un peu avec mon iPad 2 que j'ai récemment vendu à bon prix. En fait, un très bon prix pour un iPad 2, 370 $, quelque chose comme ça. Sur lesmac.com? Non. Mais donc, avec cet argent-là, je prévois m'acheter le futur iPad mini Retina. Retina, Touch ID. Ouais. 3D holographique avec projecteur intégré. Clavier laser. Ouais. Courbé. Oui, qui flotte. Oui, exactement. C'est lui qu'on attend. Mais en fait, comment parler de iOS 7 en ne parlant pas du Touch ID? C'est beaucoup là-dessus qu'on a eu les dernières nouvelles, comme quoi on pouvait le hacker, que c'était pas si sécuritaire que ça. On a aussi entendu dire que, c'était quand même un bold move de la part de Apple, dans le sens où j'ai vu des articles où ce qui disait que Android était à 6 mois d'avoir son truc d'empreinte digitale, qu'on a déjà vu sur le Active, si je me trompe pas, mais c'était pas aussi bien. C'était pas comme... Non, l'implémentation était derrière l'appareil, je pense. C'était loin d'être aussi bien intégré. Oui. Donc, parlons-en, en fait, du Touch ID. Est-ce que c'est un truc qui est sécuritaire? Est-ce que on a des empreintes digitales que le 250 millième prochain a les mêmes, tout ça. Est-ce que pour vous, c'est une bonne solution? De mon point de vue, je trouve que c'est une très, très bonne chose que ça arrive dans le marché de masse avec une bonne implémentation. Enfin, comme on l'a dit, on l'a déjà vu, là, c'est pas nouveau. On a déjà vu plein d'appareils quelconques qui l'ont intégré d'une façon ou d'une autre, que ce soit des laptops Lenovo qu'on peut acheter de façon commune. Et Toshiba qui l'ont dans leur... Mais vraiment, le marché de masse, là, les gens au coin de la rue, maintenant, tu peux demander, ils savent que l'iPhone 5 il y a cette fonction, l'iPhone 5S a cette fonctionnalité-là, ce qui n'était pas le cas de dire, ah, vous savez que ça existe sur des laptops. Donc là, on parle que vraiment des gens normaux sont au courant que cette technologie elle existe, qu'elle est facile d'utilisation. Puis, je pense que le marketing, il y a eu quand même, au niveau de la presse, on a vu quand même pas mal de une petite polémique autour de tout ça, là. On pourrait en parler, là, mais je pense que quand même, le message marketing de dire, tant qu'à ne pas mettre de PIN, mettez ça, ça vaut vraiment la peine pour protéger ce que vous mettez sur vos appareils, puis prenez conscience que vous mettez énormément d'informations que, ne serait-ce que des mots de passe pour accéder à des sites où vous pouvez utiliser votre carte de crédit, des choses comme ça, donc prenez conscience que ce que vous avez sur vos appareils a une certaine valeur. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Et comme beaucoup d'implantations, en fait, de nouvelles technologies, Apple, je crois, se l'est gardé. Il n'y a pas d'API qui sont disponibles pour utiliser le Touch ID pour des applications third-party actuellement. Je me trompe? Non, pas pour l'instant. Mais tu sais, Apple, Apple fait toujours la même chose. Ils introduisent une nouvelle technologie, ils l'utilisent pour eux, ils la mettent sur le terrain, ils voient comment les gens s'en servent, ils voient si c'est fiable. L'année prochaine, peut-être avec le iPhone 6, on va avoir une nouvelle, peut-être un capteur de meilleure qualité, peut-être qu'on va avoir, ça va être plus difficile de la hacker, puis là, ils vont peut-être ouvrir aux développeurs des façons de s'authentifier. Mais on sait bien vers où ils veulent s'en aller. Mm-hmm. Ils veulent enlever... Apple, ça a toujours été une compagnie dans laquelle ils veulent enlever un maximum de friction sur l'utilisation des services. Effectivement. Donc, ils mettent les technologies en place pour qu'on enlève cette friction-là, puis ils le gardent en premier pour eux. Mais à chaque fois, les gens disent « Ouais, mais il manque les API, les développeurs ne vont pas pouvoir s'en servir. » Attendez un peu. C'est Apple, ils prennent ça pour eux, ils vont prendre le hit. Ils font le road test. Exactement, c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors que d'autres compagnies font l'inverse. Ils ouvrent tout à tout le monde, ça ne marche pas bien, les développeurs ne savent pas s'en servir. Apple réserve ça, ils ouvrent ça petit à petit, puis ils attendent vraiment que... Quitte à laisser bêta-tester aux développeurs, puis ensuite leur dire, ah bien, on a réalisé avec votre expérience qu'on va tout changer, les noms des classes, des méthodes, ben, en termes techniques, là, de changer la structure de ce qu'on vous a donné. Donc, ça veut dire que la prochaine version, vous allez devoir être rétro-compatible, ça va être un cauchemar. C'est ce qui est arrivé avec Android. Puis c'est ce que j'entends beaucoup, en fait, c'est que sur Android, l'implantation, tu sais, c'est toujours le « je veux être le premier ». Fait que je le pousse, je me fous un peu de comment ça marche, et puis les gens achètent le téléphone en disant « ben moi, je l'ai déjà le truc, mettons, d'empreinte digitale ou de pouvoir répondre en faisant des gesticulations de la main ». Mais c'est un gadget que tu utilises à peu près 5 minutes sur le téléphone, puis qu'après ça, tu n'utilises pas. L'implantation qu'Apple en a faite du Touch ID, moi, je me retrouve à ce qu'on me prête un téléphone pour faire une configuration dessus et j'ai le réflexe, quand je vois le pavé du code apparaître, de mettre mon doigt pour débloquer le téléphone. Puis je trouve que c'est de la merde quand il n'est pas là. C'est vraiment... Ça a été rapide comme... Mais c'est vrai que tu vois, toutes les technologies qu'ils font, beaucoup de gens vont se moquer, il y a toujours des problèmes, la presse embarque parce qu'ils aiment bien ça, le drame. Ben c'est de bon ton d'être contre Apple alors que ça l'était moins. Exact, mais c'est quoi? Mais tu vas voir que les gens vont embarquer en masse là-dessus. Puis de toute façon, d'ici un an, comme Maps, regarde Maps, maintenant, qui c'est qui parle des problèmes? Plus personne. Tout le monde a embarqué. Et là, c'est pareil. Puis Android, il faut faire attention de voir... Ce n'est pas Google qui décide ça. Généralement, c'est Samsung. Regarde le dernier Samsung S4 dans lequel ils ont fait une espèce de show, dans lequel ils avaient 1 milliard de features, complètement inutiles les unes que les autres, puis tout le monde s'en fout. Tu sais. Ouais. Apple, ils en mettent peu. Puis de toute façon, c'est ce que raconte Tim Cook tout le temps. Puis tu sais, le message d'Apple, c'est nous, nos features servent à quelque chose. Ouais. Puis nous, on fait une sélection très précise des features qui sont importantes pour vous et pour notre service. Tu vois? Et ça fait toute la différence parce qu'ils ont peu de choses à marketer. Puis quand ils marketent une chose précisément. Puis les gens, ils embarquent. C'est, écoute, ils ont vendu combien? 9 millions de téléphones en 3 jours? 9 millions de téléphones en 3 jours. Si les gens aimaient pas ça, ils n'embarqueraient pas. Ils ont juste vendu 9 millions, on s'entend, là, il n'y en a plus. C'est ça, donc, tu sais, quand après les gens ils disent, oui, mais Apple, ils sont en train de mourir, là. Enfin, ils sont en train de mourir. Ils ont 10% du cash de toutes les compagnies aux US. Si on parle du point de vue d'un développeur, je préfère vraiment l'approche d'Apple parce que, justement, comme je l'ai dit, ils vont... plutôt que donner une multitude d'API qui sont plus ou moins utiles dans un état de qualité variable, puis ensuite les changer. Apple va fournir à un moment donné un API de qualité qu'eux-mêmes ont testé on l'a souvent vu, là. On a vu, admettons, il y a un tel feature qu'eux se gardent dans iOS 3, dans iOS 4, on la voit apparaître comme aux développeurs, mais entre-temps, nous, on peut voir, under the hood, voir qu'ils ont vraiment amélioré la façon que c'est structuré, puis on le voit avec l'évolution, on passe de 3, 4 à 5, 6, 7, puis c'est rétrocompatible, c'est facile de, pour un développeur. En général, ça c'est vraiment, ça a été très, très facile de migrer puis de supporter. Bon, là, ça commence à peut-être... Jusqu'à un certain point, au niveau graphique, là, on peut en parler, justement, les gros changements au niveau visuel que iOS 7 apporte. Là, il y a quand même une fracture un peu au niveau visuel qui rend les choses pas mal moins faciles qu'ils ont pu l'être entre les versions précédentes, mais... On va revenir au graphisme parce qu'il y a beaucoup de gens qui... il y a beaucoup de choses à dire, ça rend malade, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le graphisme. Je voulais vous amener sur la piste, en fait, du 64 bits. Donc, Apple a annoncé que c'était le premier système d'exploitation. En fait, que l'iPhone 5S était le premier avec un processeur 64 bits et que le système le supportait, donc était 64 bits. Quand OS X est devenu 64 bits, ce qu'on a dit, c'est que ça va permettre de dépasser la barrière du 4 gigs de mémoire. Ça fait aussi qu'il y a deux fois plus large d'instructions qui peuvent passer à la fois. Puis là, il y a différentes choses dont on peut discuter que, ben oui, mais tu sais, l'instruction qui n'a pas besoin d'être d'une largeur de 64 puis qui a passé très bien à 32 était plus rapide, bon, tout ça. Mais qu'est-ce que ça peut apporter présentement, le 64 bits? Est-ce que l'implantation est facile à faire pour un développeur? Est-ce que c'est juste une question de recompiler, par exemple, ou quelque chose comme ça, François? Oui, ben en fait, encore une fois, Apple rend la vie assez facile aux développeurs de ce côté-là. La plateforme est vraiment mature. On a qu'à penser la transition qu'on a faite du PowerPC à Intel. C'est passé de façon tellement, tellement facile. Encore de la même façon, la technologie qui permet d'encapsuler les binaires, qui s'appelle Mac O, non pas Mac comme MAC, mais MACH, qui est une technologie qui est vraiment à la base du kernel, là, quand ça remonte aux années 90. Cette technologie-là, elle permet justement d'encapsuler plusieurs binaires, donc on parle 32 bits, 64 bits dans un même, que ce soit totalement transparent. Donc, du point de vue du développeur, on peut rouler évidemment les applications 32 bits sur 64 bits, donc il n'y a pas de problème. Mais si on veut supporter des choses plus avancées, on peut le packager dans une même application, c'est transparent. Puis ça, Xcode nous aide vraiment à le faire. Ouais, c'est ça, c'est buildé express Xcode le 32-64 automatique. Là. Mais donc, c'est sûr que d'un point de vue développeur, il y a parfois certaines contraintes là, hautement techniques, bas niveau, qui peuvent... Si on commence à être, mettons, un développeur de jeu qui veut vraiment tuner les performances, bon, peut-être que ça peut être plus compliqué, mais pour 95 % des applications, c'est vraiment facile à faire. Par contre, pour répondre à la question, est-ce que c'est utile aujourd'hui même, c'est questionnable pour, encore une fois, pour la majorité des applications, probablement qu'il n'y aura pas un grand bénéfice parce que la mémoire n'est pas là. Mais on peut penser peut-être à certaines applications hautement intensives au niveau graphique ou même peut-être la cryptographie. On parle souvent de clés publiques, mettons, de 2048 bits, des choses comme ça. Peut-être que là, on va voir une différence si on commence, mais c'est pas vraiment le cas. Donc, je pense que c'est pour le long terme. C'est comme Tim Cook l'a dit, on est future-proof, future. Ouais. On pense à l'avance. C'est sûr qu'aujourd'hui, bof, mais on va épurer, on va améliorer ce 64 bits-là pour que quand ça va être vraiment utile, ça va être déjà mature. On connaît pas le code de Infinity Blade 3, mais est-ce que vous pensez que si, mettons, il l'aurait laissé en 32 bits, ça aurait fait un changement côté graphique de l'application? Ou ça aurait changé vraiment quelque chose qu'il soit parce qu'ils ont vanté ça au keynote que c'est 64 bits? Là, c'est pas vraiment le 64 bits. Je pense non, qu'en fait, ça. La grosse différence en fait qui se passe, effectivement, 64 bits, ben, ça apporte plein d'avantages pour les développeurs. Il y a aussi quelques petits problèmes. Ça prend plus de mémoire. Enfin bon, les développeurs, ils ont un peu d'effort à faire, à regarder que leur code marche bien. Mais bon, Apple a des bons tools. Mais la grosse différence entre les deux chips, c'est surtout la différence d'architecture entre le A7. Le A6. A7. La différence, c'est que le 64 bits vient, non pas juste avec 64 bits, mais avec complètement une nouvelle architecture de chez ARM. Nouveau type d'instruction, plus de registres. Plus d'opérations sur des multiples data. Okay. Donc, en fait, c'est ça la grosse différence, avec un nouveau type de GPU dessus. Donc, oui, quand ils disent 64 bits, oui, c'est 64 bits comme architecture, mais c'est surtout le tout nouveau chipset de chez ARM. Donc, toute nouvelle architecture. Et c'est ça la différence, qui contient aussi, qui est capable d'exécuter les anciennes architectures. Mais tu vois, par exemple, celui-là, je pense qu'il passe à 16 registres de mémoire. Les registres, c'est des petites boîtes de mémoire qui sont à l'intérieur du CPU, qui évitent d'aller chercher les données dans la mémoire centrale. C'est plus rapide. Donc, en fait, tout ça, on peut l'exploiter immédiatement. Donc, en fait, les compilateurs ont été changés pour exploiter ces nouveaux jeux d'instructions. Puis, c'est ça la grosse différence. Puis, on va le voir quand les développeurs vont commencer à les utiliser. Exactement. Mais même là, c'est effectivement, quand tu fais un jeu vidéo dans lequel il faut vraiment que tu exécutes énormément d'instructions pour faire tourner ce genre de jeu vidéo, une application comme Twitter, honnêtement, là, et tu ne vas pas voir la différence. C'est ça, c'est tu ne verras jamais la différence. Là. Non, non, non. Mais par contre, au final, cette nouvelle architecture en 64 bits, et c'est ARM8, je pense, c'est ARM8, c'est surtout ça qui est important. C'est ARMv8, et ça permet d'avoir deux fois plus de performance. Ce que je veux dire aussi, peut-être, c'est que Apple, ils font le marketing vraiment comme d'un packaging, le A6, le A5, le A7, comme un single un system on a chip qui contient, oui, la partie CPU, mais aussi la partie GPU. Puis ils font le marketing comme, voici tout notre système en un. Donc, il y a une grosse partie qui est la partie graphique. Puis que si on parle que de la partie graphique, c'est une très grosse évolution de ce côté-là. Donc, il y a un peu les deux. Donc, ils font un buzz marketing sur l'ensemble des deux, puis ils fudgent un peu le chiffre deux fois plus vite, etc., en mélangeant les deux. D'ailleurs, peut-être que la puissance du nouveau téléphone est telle que c'est ça qui a motivé Apple à donner des applications comme iMovie, comme iPhoto, qui étaient comme c'est des applications qui sont quand même relativement gourmandes, qui vont permettre de traiter des photos. Mais là, on peut vraiment le faire avec le slow motion, avec des nouveaux features vraiment exploités dans ces applications-là. Ah non, mais ça, c'est sûr que les nouvelles features de l'iPhone 5S, comme le slow motion, la qualité de la caméra, tout ce qu'ils ont embarqué dans le chipset qui permet de faire le processing d'images, c'est incroyable. C'est cette semaine, il y a un gars du National Geographic qui a pris des photos. Il a dit, écoute, avec un iPhone 5, j'ai pas pris mon DSL avec moi. Et puis, c'était parfait quand tu regardes les photos qu'il a fait. Hein. Si le gars du National est capable de dire quelque chose comme ça, il y a des fabricants de caméras qui vont avoir mal aux yeux. Mais c'est sûr que tu vois qu'Apple, ils sont très marketing, on sait comment ils travaillent. Donc là, ils disent, pour les gens, c'est facile. Avant, tu avais un téléphone 32 bits, maintenant, tu as un téléphone 64 bits, ça va deux fois plus vite. C'est tout. En fait, s'ils auraient dit, oui, on a une nouvelle architecture ARMv8, on s'en serait foutu. Qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Donc, ils transforment ça très bien. Ils trouvent ça très pratique, même que 64 bits soit double de 32. Et puis, ils disent deux fois, voilà, tu comprends ça. Pour les développeurs, effectivement, c'est plus mitigé, c'est un peu plus technique, mais il y a quand même une nouvelle architecture complète dans ce téléphone. Puis, effectivement, tous les benchmarks qu'il y a eu, ça va effectivement deux fois plus vite sur les applications standards. Il y a aussi le fait qu'on avait jusqu'à maintenant un processeur, on avait Batman, et maintenant Apple y a ajouté Robin, et on va l'appeler, pour le coup, on va l'appeler M7. Pas avec les collants avec d'Adam West, puis... Tout orange, puis ouais, tout. Okay, ouais. Okay. Donc, le processeur M7, qui est un processeur, en fait, qui prend vraiment pas beaucoup d'énergie, va falloir aussi m'expliquer un peu le BLE à l'intérieur de ça, le Bluetooth Low Energy, je pense, qui est utilisé à travers cette technologie-là. Mais le processeur M7, qui est un processeur pour les motion sensors, en fait, tous les senseurs qu'il y a dans l'appareil, lui va ramasser toutes les informations et va pouvoir les distribuer à différentes applications. Quand vous avez vu ça, vous, est-ce qu'il y a des applications pratiques auxquelles vous avez pensé puis vous êtes dit, tiens, je veux faire ça? Apple le market beaucoup pour les applications sportives, fitness, mais y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire? Possiblement. En fait, ce que je vois, c'est qu'en gros, le M7, juste pour clarifier, le Bluetooth LE, c'est vraiment un autre chip séparé. Là. Okay. Mais M7 est vraiment, comme tu l'as dit, un processeur qui est à côté, un coprocesseur qui est vraiment en dehors du A7, qui est conçu pour être roulé même, alors que le A7 principal est carrément en mode sleep, là, qui dort carrément, où il n'y a pratiquement pas d'énergie qui est envoyée au A7. Le M7 est conçu vraiment, ils ont probablement, c'est littéralement ce qu'on appelle un microcontrôleur, là. C'est littéralement ça, c'est un Atmel, je pense, Atmega, je ne sais pas exactement le modèle, mais bref, c'est un microcontrôleur qui ont vraiment créé du code très bon niveau, qui est hautement performant, qui est le genre de processeur qu'on voit, par exemple, dans des voitures ou des choses comme ça. Bon niveau, très peu d'énergie et extrêmement ciblé pour certaines fonctionnalités. Donc, pour les capteurs dont tu as parlé, donc accéléromètre, différents capteurs qu'on connaît sur les appareils. C'est ça, au niveau fitness, pour les sports, des choses comme ça. Ou ne serait-ce que pour améliorer les performances du GPS, okay. Alors que l'appareil est en veille. Donc, si on a l'écran fermé, puis qu'on fait de la navigation, par exemple, on passe dans un tunnel, c'est ce qu'on appelle du « dead reckoning ». Donc, du positionnement, même si on n'a pas de signaux radio des satellites ou d'autres signaux radio, on fait ce qu'on appelle le positionnement à l'aveugle, si on peut dire. Donc, uniquement par l'accélération dans une direction donnée ou avec d'autres capteurs comme on a. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça peut vraiment améliorer la précision de mais en hauteur aussi, peut-être, au niveau de l'élévation, de l'altitude? À ma connaissance, là, au niveau de l'altitude, c'est pas très, très fort. Là. OK. Mais je pense que c'est... Et ce qu'ils veulent vraiment, eux, c'est un genre de podomètre, ce genre d'application, okay. Type d'application-là, qui aujourd'hui utilise quand même peut-être... Il doit se réveiller à intervalles réguliers pour prendre des mesures. Des lectures. Là, il pourra carrément être en veille carrément et avoir des micro-watts, je ne sais pas en termes de mesures, là, mais c'est vraiment un ordre de grandeur plus faible que ce qu'on voit précédemment. Fred, est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'excite, le M7, pour un développeur au niveau des applications? Oui, moi, je pense que, tu sais, il y a deux choses là pour Apple. Je pense que, c'est Steve Jobs l'avait dit, lui, ce qui était important pour lui, c'était la performance par watt. Oui. Puis là, c'est le combat. En ce moment, les technologies de batterie n'ont pas vraiment évolué. Puis là, non. Je pense pas, je suis assez pessimiste sur les changements de technologie là-dessus. Mavericks, le nouvel OS sur macOS, la seule feature qu'il a, c'est Power Management. À l'extrême. Ça donne 20% de batterie. Exactement. Sur des vieux ordinateurs, une heure de plus de batterie sur ta vieille régime. Exactement. Et donc, le M7, c'est leur combat ultime contre la consommation d'énergie. Puis ça va être leur gros avantage dans le futur, puisque les autres constructeurs vont aussi limités par les mêmes contraintes physiques. Donc, en fait, là, le gros avantage de ce chip-là, c'est pour les applications, c'est complètement transparent. Ça fait partie des frameworks. Mm-hmm. Tu n'as pas besoin de programmer une application pour qu'elle utilise le M7. C'est transparent par le Apple a rendu ça relativement simple pour les développeurs. Mais la grosse différence, c'est que moi, j'utilisais une application qui s'appelait Moves, qui remplace le Fitbit. Oui, oui, oui, oui. Mais Moves, la dernière fois que j'ai essayé, écoute, j'ai enlevé 4-5 heures de mon téléphone là, de vie. Donc là, avec le M7, tu as la même durée de vie qu'avant. Et puis, en fait, tu as les mêmes features que pour tout ce truc-là. Alors après, là où on a tous été surpris, c'est qu'on s'est dit, Apple, oui, effectivement, ils sont contre ils veulent que les applications consomment moins d'énergie, mais bon, de là à mettre un tout nouveau chip dans le A7, c'est qu'ils ont peut-être quelque chose aussi derrière. Ils n'ont pas fait de la R&D pour développer un nouveau chip juste pour la batterie. Donc je pense qu'ils ont toujours deux petits objectifs cachés, c'est Apple. Il y en a un que tu vois et un qui est peut-être pour le futur. Donc là, on sait exactement, est-ce que ça peut être la watch? Moi, je ne suis pas convaincu encore qu'ils vont faire ça, mais il y aura quelque chose d'autre avec ça. C'est impossible qu'ils aient fait juste ça pour Nike Fuel et deux, trois applications de fitness. C'est combien tu utilises d'applications de fitness sur ton iPhone? Moins deux, moins trois. Si tu regardes ma shape, là, je pourrais... Non, mais même, c'est les applications de fitness, on dirait que c'est pour tout le monde, alors qu'honnêtement, qui c'est qui s'en sert à part un podomètre et puis, ouais. Et puis Runkeeper, et puis c'est les deux. Il y a Zombie Run qui est cool. Donc je pense que ils n'ont pas fait du hardware pour rien. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va s'en venir. C'est impossible qu'ils aient fait ça juste pour le power. Mais si on suit leur philosophie, effectivement, l'avantage immédiat pour les développeurs, c'est que toutes les applications qui traquent ta position peuvent être utilisées le M7, comme disait François, avec du dead recording, c'est-à-dire même sans position géographique, le chip peut interpoler ta vitesse, comment tu marches, la vitesse à laquelle tu marches, et il peut à peu près deviner ta trajectoire sans utiliser le GPS. Donc là, immédiatement, tu te retrouves à avoir plus de précision sans utiliser de réseau, sans utiliser de GPS. Donc, c'est toujours pour économiser de l'énergie. Puis ça, ça va leur donner un gros avantage dans le futur, c'est sûr. J'ai lu que, comme le téléphone pouvait extrapoler, en fait, bon, la puce M7 sert un peu à contextualiser le téléphone et qu'à ce moment-là, si le téléphone voit qu'il est en train de voyager à 100 km/h puis que tu fais un freinage brusque, il dit « il est en auto, j'y proposerai pas de se connecter à un réseau Wi-Fi ». Donc, je ne l'agacerai pas avec la petite maudite fenêtre qui apparaît tout le temps, puis des trucs comme ça. Je te disais aussi, pour l'altitude, ben, la carte de Apple te permet de voir en 3D, puis il semblerait qu'ils veulent s'en aller vers là. On sait qu'ils ont fait beaucoup d'acquisitions de compagnies, entre autres Polyneuf, qu'on avait déjà rencontré dans le cadre de Hills sans fil. Ce sont eux, en fait, qui ont été... Je les connais, je leur ai parlé au cours des deux dernières années, puis c'est vraiment eux qui ont créé toute l'application Maps là, avec les nouveaux jeux de données, tout ça. C'est pour ça qu'on n'a pas trop entendu parler au début, mais là... c'était confirmé que c'était bel et bien l'équipe initiale qui ont ensuite recruté. Ils étaient les managers principaux de l'équipe. Okay. Donc, c'est des gens de la ville de Québec? Ben oui. On va faire une petite bifurcation par Mavericks dans deux secondes. Avant, par contre, est-ce que vous... Bon, Fred, je pense que tu es allé au WWDC. Cette année, oui. Oui. Ouais. Donc, tu as eu les présentations. François, je sais que tu es probablement allé les voir en vidéo sur Internet. Est-ce qu'il y a d'autres API, est-ce qu'il y a d'autres features dont vous avez peut-être entendu parler qui vous allument beaucoup, mais que on n'a pas, ça n'a pas été extrêmement marketé, puis ça n'a pas été, tu sais, c'était pas un features wow, fait. Ouais, en fait, t'as le Game Controller. C'est ça, je m'en allais dire la même affaire, moi aussi. T'as le Game Controller, parce qu'en fait, déjà, c'était le fun de voir qu'en fait, t'avais une API pour les contrôleurs de jeux Bluetooth, mais en fait, t'es pas loin de te dire, t'as un Apple TV, t'as un Game Controller Bluetooth, t'as une Apple TV un peu plus puissante, t'as les jeux iOS dessus. Ouais. Fait que, bye bye. On est à peu près dans la même époque dans laquelle Steam a enchaîné le SteamOS et la Steambox. Mm-hmm. Si demain, tu as une Apple TV plus puissante avec ce genre de chip et avec les mêmes jeux iOS qui utilisent un controller, ben voilà, hein, c'était déjà sur le. Tu te rapproches de la TV et là-dessus. Là. Mm-hmm. Ça, c'est des choses qui ont été peu exploitées, peu expliquées. On a vu des game controllers qui étaient comme un case. Oui. Bon, ça, c'est nice, mais bon. Je pense que c'était vraiment... Puis ils avaient des quand tu vas avoir, il va avoir une shield qui va sortir, c'est-à-dire une grosse télécommande, un gros joystick de Xbox avec ton Cradle pour ton iPhone, puis tu vas pouvoir faire... Mais tu vois, c'est le fun à la WWDC. Chaque fois que tu y vas, première chose que tu fais, c'est que tu regardes dans l'agenda, en fait, tu regardes les slots qui sont vides et tu regardes dans quelle salle ça se passe. Donc, en fait, un slot vide dans Presidio, qui est la plus grosse salle, ça veut dire qu'il y a un gros annonce de technologie. Okay. Et puis, en fait, une fois qu'ils annoncent ça, donc effectivement, là, cette année, t'avais iOS 7, donc t'avais plein de technologies autour d'iOS 7, puis t'avais des conférences sur le gaming, toujours beaucoup. Quasiment, je dirais, 30% des conférences à WWDC, c'est le gaming. Okay. Donc, c'est énorme. Ils pourraient faire une WWDC gaming à elle seule. Uniquement. Puis t'avais des conférences sur les game controllers. Okay. Donc, c'est... Si c'était juste une petite techno Bluetooth comme ça, ils n'en parleraient pas tel quel. Donc, il y a quelque chose qui se prépare avec ça, c'est sûr. Excellent. Tout à l'heure, j'ai parlé du... Tu voulais rajouter quelque chose, François? Non, mais effectivement, juste dans la même lignée, je pense que cette année, une des choses que Apple semblait pousser, c'était un thème qui était récurrent, c'était un peu le gamification de l'OS, là, de rendre énormément plus d'API facile d'utilisation aux développeurs pour... que leurs applications, même des applications toutes simples qui sont même de productivité, aient un look un petit peu plus animé, plus graphique, plus, on parle de UIKit Dynamics, des choses comme ça, qui facilitent vraiment la vie aux développeurs pour se rapprocher un petit peu plus des jeux vidéo. Puis carrément, on parle d'autres API comme SpriteKit, je pense, qui sont littéralement des frameworks là, de haute qualité pour faire ajouter de la physique comme des engins de jeux vidéo. Là. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues cette année. Deux technos qui viennent de me revenir à l'esprit avant qu'on parle de Mavericks. J'aimerais qu'on parle un petit peu du BLE, du Bluetooth Low Energy. et aussi de iBeacon. J'en parlais en fait en introduction un petit peu. iBeacon qui semble très, très prometteur au niveau de tout ce qui est le marketing excessivement local, de transformer en fait un magasin en espèce de comment je pourrais dire ça? Faire une espèce de Jarvis qui, dans le magasin, te donne des coupons pour ton téléphone. Mais moi, j'extrapolais là-dessus, puis je me disais, bien, si tu vas magasiner toujours chez Gap, bien, Gap, il y a une base de données, puis il sait qu'est-ce que tu as acheté. Fait que quand tu passes à côté de tel rack, bien, il peut te dire, hey, ça irait vraiment bien avec les pantalons que tu as achetés à tel moment, et ta taille, tu sais, parce que je connais ton poids puis tout, c'est le cintre que je viens d'allumer juste à côté de toi, puis tout ça. Et ce que je lisais, c'est que ça allait coûter beaucoup moins cher à transformer les magasins comme ça. Toi, qui as développé un petit peu des trucs de localisation comme ça, le iBeacon, peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, je pense, en fait, du point de vue des développeurs, c'est vraiment intégré d'une façon très, très simple. Et juste pour rappeler l'historique un peu, le Bluetooth LE, on parle, le Bluetooth qu'on connaît pour la partie audio, des choses comme ça, c'est LE, c'est pour Low Energy. Mm-hmm. En fait, c'est aussi référé à Bluetooth 4.0. Donc, puis, du point de vue technique, bas niveau, c'est un reboot complet. Au niveau bas niveau radio, c'est on fait table rase des vieilles techno Bluetooth. C'est littéralement incompatible entre eux. Donc, le chip qu'on a sur à partir du iPhone 4S et l'iPad 3, l'iPad mini, etc., et maintenant des nouveaux, sont compatibles des deux technologies. Donc, la vieille techno Bluetooth ancestrale, si on peut dire, qu'on a les oreillettes Bluetooth qu'on connaît, etc., puis Bluetooth LE. Donc, Bluetooth LE, ce que ça apporte, c'est vraiment la partie basse énergie, puis des features vraiment plus optimisées au niveau, justement, qui peuvent apporter des choses comme le iBeacon. iBeacon, vraiment, comme tu l'as dit, ça permet de faire du géopositionnement, mais en termes de proximité, de pouvoir détecter à très basse utilisation d'énergie sur une période longue, admettons, une application, comme tu l'as dit, qui t'installe l'application de Gap ou de Starbucks, puis c'est l'identifiant unique des magasins Starbucks. Puis quand tu vas te déplacer physiquement, tu vas pouvoir le détecter. Auparavant, c'était possible de faire ça avec Core Location, qui est un framework qui existe depuis longtemps, depuis le début, qui est le framework qu'on utilise pour faire de géopositionnement, GPS, etc. Donc, ils ont rajouté ça à ça. Donc, c'est vraiment très facile pour les développeurs d'interagir avec iBeacon, mais d'une façon beaucoup plus efficace qu'auparavant, parce que techniquement, là, il y a pas besoin d'activer un GPS ou d'autres choses comme ça. Mais techniquement, ce que ça implique, c'est qu'il faut vraiment que les gens déploient un appareil physique, un petit bout de contrôleur avec un transpondeur, une antenne Bluetooth dans les magasins, par exemple. Puis ça, c'est quelques dollars. On parle d'un chip comme ça, peut-être on parle probablement de moins de 20 $ pour fabriquer un appareil comme ça autour de ça. Oui, ce sera pas 20$ parce qu'évidemment, il faut le packager, il faut mettre toute l'infrastructure logicielle dessus. Mais je lisais qu'au contraire, pour, mettons, transformer un établissement en NFC, ça peut aller chercher jusqu'à 100 000 $ si on veut déployer une infrastructure comme ça, alors que le iBeacon permettait de le faire pour... il donnait un prix d'à peu près 5 000 $ pour transformer un... Ben ça, c'est toujours la recherche d'Apple de basse énergie aussi. Puis à la WWDC, ils avaient aussi c'est WWDC, oui. C'est ce que les cool guys de San Francisco appellent ça comme ça. Et ils donnaient l'exemple, en fait, dans lequel si aujourd'hui tu voulais faire une application qui, à chaque fois que tu passes devant... Starbucks, t'as bienvenue au Starbucks et puis on vous connaît et tout ça. Non? T'es obligé d'utiliser Core Location, comme disait François. Maintenant, en fait, et ça qui est le fun, tu peux transformer un iPad en hotspot. Donc avec iOS 7, si t'as une application Starbucks, mm-hmm. Donc imagine que le iPad est à la caisse, le développeur de cette application peut transformer cette application en hotspot et tu transformes cette application en iBeacon qui peut être détectée par la même application mais sur les iPhones. Sans qu'elle soit ouverte? Non. Exactement. Donc, dès que tu arrives à la caisse, plutôt que d'utiliser ton géopositionnement, tu peux détecter la proximité du iPad de la caisse. Okay. Et chaque device a un numéro. Donc, toi, après, tu peux avoir un back-end qui référence ça et tu sais que tu es dans le Starbucks sur Sainte-Catherine. Tu sais que tu es sur le Starbucks de la rue Laurier. Et puis, sans avoir de positionnement géographique. Tu vois? Donc, c'est vraiment quasiment la réponse au NFC de chez Apple. Donc, les mêmes appareils iOS 7, ils peuvent être récepteurs et aussi émetteurs comme des iBeacons. Ou alors, tu peux acheter dans le commerce des petits chips qui ne sont pas chers et puis, en fait, les mettre dans ton magasin. Puis, dès que tu passes entre des rayons différents, même sur différents étages, tu imagines que tu es dans un mall, ben, en fait, la réponse à la cartographie intérieure, ça peut être iBeacon aussi. Tu vois, tu peux mettre des petits chips devant tous les magasins, tu peux savoir exactement où ils se trouvent. Donc, plutôt que d'ouvrir une map, tu dis, OK, ben, où est-ce qu'est... Je suis dans tel mall, je veux aller à tel endroit. Il dit, bah, écoute, il doit être dans tel endroit parce que je le détecte plutôt de ce côté-là. Donc, tu peux t'orienter à l'intérieur. Mais le truc intéressant, c'était qu'effectivement, qu'un iPhone ou un iPad qui est à la caisse, puis tu sais, on commence à le voir ça, avec Square, tu peux utiliser des POS qui sont des iPads, ils peuvent se transformer en beacon. Tu vois? C'est pas mal intéressant. Faut faire vite, en fait. On va couper un peu sur Mavericks. De toute façon, on en avait un peu parlé. Jean-Michel, t'avais-tu quelque chose à rajouter? T'avais-tu une question? Non. Jean-François non plus? Excellent. On a les deux développeurs, en fait, de Cacao Cast, qui est un podcast, qui nous ont fait une petite chronique pour rajouter un peu à ce qu'on vient de dire. On va prendre une petite gorgée d'eau en attendant. Donc, une petite chronique de Cacao Cast de 5 minutes. Voilà. Bonjour, je suis Philippe Guittard. Et moi, Philippe Casgrain. Nous sommes les Kirk et Spock du podcast Cacao Cast. Et nous parlons des nouvelles concernant les développeurs iOS et macOS. Nous avons quelques sujets qui pourraient vous intéresser. Alors, nous allons commencer par une nouvelle d'Apple toute fraîche qui annonce que on peut maintenant faire des achats en volume sur le Mac App Store. Donc, le Mac App Store... traditionnel, hein, vous utilisez votre compte iTunes et puis vous pouvez acheter des applications à l'unité, mais pour des grosses organisations ou moyennes organisations, des institutions, des écoles, des universités, on veut des fois pouvoir distribuer la même application à plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de personnes, et jusque-là, il n'y avait pas vraiment de façon pratique de faire ça. Non, il fallait en fait envoyer un code de licence à chaque personne et il fallait qu'il utilise son propre compte iTunes. C'était assez barbant. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce programme-là existait déjà sur le l'App Store pour les appareils iOS, iPad et iPhone. Voilà, donc bon, ça marche bien pour iOS, mais ça manquait pour le Mac App Store. Donc ça vient d'être annoncé, c'est peut-être pas encore en vigueur, je pense que ça va arriver dans les jours ou les semaines qui viennent, hein, si je comprends bien. Philippe, t'as reçu... une lettre en tant que développeur voilà. Mac. Et c'est quelque chose que chaque développeur doit accepter. Alors, on n'est pas automatiquement enrôlé dans le programme, mais on a un nouveau contrat à accepter. Et voilà, on en fait partie à ce moment-là. On peut vendre aux institutions, aux entreprises, etc., qui font partie du programme d'achat en volume d'Apple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des conditions. Hein. Tu me disais que si on vend plus de 20... unité, on fait une réduction de 50%. Donc, c'est ça. C'est le contrat, c'est que si vous vendez plus que 20 unités à une même organisation, à ce moment-là, les unités vont être vendues à 50% de rabais. Alors, c'est 50% de rabais sur le prix de base. Et puis, évidemment, vous avez 50% de moins d'argent. Là, c'est ça que ça veut dire. Mais d'un autre côté, vous allez en avoir vendu beaucoup. Alors, c'est généralement très bénéfique pour vous de pouvoir participer à ce programme-là si vous avez une application sur le Mac App Store. Voilà, donc bon, c'est intéressant. Je pense que les développeurs d'applications Mac vont être, sinon contents, intéressés par cette nouvelle option pour vendre leurs applications en grand volume. Ce qu'on a bien hâte, c'est de pouvoir mettre donner les applications en cadeau sur le Mac App Store. C'est quelque chose qu'on ne peut pas encore faire. Exactement, ça manque encore. Beaucoup de développeurs qui se plaignent de ça, mais espérons que ça arrive bientôt. On va parler maintenant de l'iPhone 5S, alors pas de l'iPhone lui-même, vous avez déjà entendu parler beaucoup de choses à ce sujet de l'iPhone, mais ce qui est important avec l'iPhone 5S, c'est qu'il a maintenant un processeur 64 bits, donc le processeur A7 qui est à l'intérieur de l'iPhone 5S est 64 bits. C'est d'ailleurs le premier téléphone intelligent qui a ce genre de processeur 64 bits, tous les autres sont 32 bits. Exactement. Donc, il y a certains concurrents d'Apple qui disent ouais, c'est juste du marketing, ça sert à rien tant qu'on n'a pas plus de 4 gigaoctets de mémoire vive dans votre téléphone. C'est pas vraiment important d'avoir un processeur 64 bits. Mémoire vive à ne pas confondre avec les mémoires de stockage, parce que souvent dans votre téléphone, vous avez beaucoup plus que 4 gigaoctets de stockage pour mettre toutes vos chansons, vos photos, etc. Vous avez 32 ou 64 gigas. Mais là, on parle bien de mémoire vive, qui est la mémoire utilisée par les applications pour fonctionner, comme vous en avez sur votre Mac ou sur votre PC ou des choses comme ça. Voilà, donc je pense que c'est important, c'est une fondation là, qui est mise en place par Apple pour supporter plus tard donc des appareils qui ont beaucoup plus de mémoire vive qu'aujourd'hui. On apprend que dans ce processeur A7, il y a tout un nouveau jeu d'instructions. Donc les instructions sont optimisées, sont probablement plus rapides. Il y a plus de registres, donc des petits emplacements mémoire qui permettent aux applications de s'exécuter plus rapidement, de stocker plus d'informations temporaires. Oui, Philippe? Oui, c'est ça. Alors, quand on a un processeur 64 bits, l'avantage principal, c'est qu'on peut redessiner tout le jeu d'instructions qui est utile pour le processeur, et on fait vraiment table rase. On peut vraiment complètement laisser tomber les instructions 32 bits et faire un jeu d'instructions moderne qui a l'avantage d'avoir été conçu avec aucun historique. Là. C'est vraiment juste notre expérience en tant que créateur de processeurs qui permet de créer ce nouveau processeur avec des instructions vraiment optimisées, comme tu dis, pour être beaucoup plus rapide, pour pouvoir fonctionner, faire plus de choses dans une même durée de temps, ce qui permet d'obtenir un processeur à la fin qui est beaucoup plus rapide. Voilà, donc c'est intéressant. Attendez-vous à avoir des iPhones encore plus performants, des applications encore plus puissantes, plus incroyables, on va dire. Donc des choses déjà qu'on voit un petit peu avec les jeux en trois dimensions, mais il y aura certainement des applications de plus en plus complexes. On a juste à penser à la caméra du iPhone 5S qui vous permet de faire des super ralentis en temps réel. Exactement, donc on voit déjà les résultats, mais je pense que ce n'est que le début. Oh, absolument. Voilà, donc c'est tout pour cette petite capsule. Si vous voulez en savoir plus et puis écouter plus de sujets, venez nous rejoindre sur cacaocast.com. Et nous rendons maintenant la parole à l'équipe de Mac Québec. Merci beaucoup Philippe et Philippe pour cette capsule. On les remercie beaucoup. On est dans les bureaux de Clicpom, comme je le disais au début de l'émission, et on est le 8 octobre, dans 4 jours. Samedi à 18h, on vous invite à sintoniser les Mystérieux Étonnants au mystérieuxétonnants.com et vous pourrez regarder le podcast All-Star qui en a sa deuxième édition. Donc, il y aura un paquet de podcasts, donc le dernier des podcasts, les Mystérieux Étonnants, Objectifs Numériques, fun regarder films, fun jouer jeux vont être là. La commission des geekers, j'en oublie, Trois Bières va être là. Je sais pas, peut-être qu'on va être là. On devrait être là. Okay. Kim devrait être là, en tout cas. Ah ouais? Elle va essayer. Ouais. Kim va essayer de venir. Donc, on vous invite. On va faire ce gros show-là ici. Il va y avoir différentes équipes qui vont se relayer. On va être la seule avec dit l'année passée? Cette année, on a 3 filles qui vont être là. Podcastratrices, comme dirait Debbie Rouleau, qui en est une autre, qui ne sera pas là, par contre. Mais on va avoir Marie-Louise Gariepi de Quarks, 24 Quarks secondes. Okay. Et on va avoir ces 3 bières, je crois, qui a Gabrielle, qui est une fille. Okay. Eux autres en ont une. Ah. Okay. Voilà. Donc, ça va être un peu moins, en fait, la version 2 va être moins un party de saucisse. Moins un party de saucisse, exactement. Voilà, donc on vous invite là. On vous invite aussi à participer, si je ne me trompe pas, non, le deuxième concours n'est pas encore lancé, mais on en a déjà parlé. En ce moment, il y a 2 concours qui roulent sur Mac Québec. Le premier est Clicpom Pimp ton Mac. Donc, vous participez simplement en faisant un like sur la page Facebook. Vous pouvez améliorer vos chances sur la page Facebook de Clicpom en remplissant le formulaire sur swake.com que vous aurez à ce moment-là. Et vous pouvez améliorer vos chances en faisant un follow aussi ou en retweetant sur Twitter l'information. Donc, ce qu'il a gagné, c'est d'une valeur de 500 $. C'est un SSD de marque Samsung, le modèle 840, de 250 gigs qui sera installé dans votre ordinateur par l'équipe de ClickPom. Et on va même faire le transfert de données. Donc, quand vous allez partir, vous allez avoir un nouvel ordinateur ultra rapide. Donc, voilà. Et restez, en fait, à l'affût sur Mac Québec. Vous allez voir, il y a un petit sondage qui va arriver bientôt. Et remplir le sondage va vous permettre de gagner une Apple TV et 90 $ de carte iTunes pour mettre du contenu dans le Apple TV ou sur votre iPhone. Donc, ouais, de toute façon, voilà. C'est tout relié à Star. Exactement. Exactement. Ouais. Malheureusement, on ne peut pas participer, messieurs, mais c'est dommage. Mais voilà. Donc, En passant, en parlant de carte cadeau, on va faire vite. Jusqu'au 13 octobre, si mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Chez Couchetard, les cartes cadeaux, 50 $ au prix de 40. C'est 20% de rabais. C'est 20% de rabais. Fait que vos applications vous coûtent 20% de moins. Fait qu'au lieu de 99 cents... Les applications ou les abonnements. Puis s'abonner à Netflix là, sur la Apple TV, là, ça revient à 6 et quelque chose par mois, là, de 7,99. Oui, on peut, mais oui. Bon plan. On sauve 20% sur l'abonnement Netflix. Netflix perd 30%. Oui, en plus. Ils perdent 30%. Là. Vous pouvez aussi acheter, 20 cartes, avoir 1000 piastres, puis vous achetez l'application ridicule à 999 $ qui vous revient. Oui, il y en a une. C'est I'm Rich ou je sais pas quoi. C'est un truc pour dire, check, j'ai l'icône de cette application de cave-là qui vaut 1000 piastres sur mon téléphone. Mais je pense qu'ils ont rajouté éventuellement là, comme une espèce de réseau sociaux de gars riches. Là, OK, qui... ça roule ça fait bling-bling. Ouais, genre. Au Québec. OK. Est-ce qu'on avait rapidement, messieurs, des coups d'os ou des coups de douze? Moi, je parle pas. Non, tout est juste. Non, donc on va passer par-dessus ce segment. Cette semaine, on se sent l'âme charitable, puis... De toute façon, c'est plus déprimant que d'autres choses. Oui, je m'en dis, de ce temps-ci, c'est assez déprimant. Excellent. Le dernier truc à propos de Mac Québec. La boutique Mac Québec a été lancée le 10 septembre dernier. Donc, vous pouvez aller sur Mac Québec et trouver cette belle boutique remplie de cadeaux. En fait, il y a trois cadeaux. Il y a trois cadeaux, mais ça fait à tout le monde. Donc, vous avez trois items. Moi, le plus intéressant, c'est le petit lit à iPhone qui permet d'être... on prend l'adaptateur secteur du téléphone. Un petit adaptateur carré là, qui vient avec l'iPhone. Exactement. On le plug, il y a un trou pour ça. Mm-hmm. Là, ça tient une espèce de lit dans lequel on peut asseoir le téléphone pour brancher le fil. C'est une quinzaine de dollars. C'est pratique quand on n'a pas une table à côté, mais quand on est dans une chambre d'hôtel et que la prise n'est pas nécessairement exactement. À l'endroit où on voulait. Et puis, le modèle le plus dispendieux qu'on offre là-dessus, c'est une planche de bois. Je l'appelle le modèle La Galère. Donc, c'est pour écouter sur son iPad, sur tout.tv, La Galère, pendant qu'on prend un bain de mousse. Donc, on a une petite encaveur pour faire tenir le iPad et on a même un trou pour glisser son verre de vin et ne pas le laisser tomber dans l'eau. Donc, il est tenu, tout ça. Fait que pour mesdames là, qui veulent relaxer dans le bain, ça fait un super cadeau. Et ce sont des produits faits main au Québec, en Gaspésie, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, Gaspésie, oui. Par M. David-Yann Auclair, qui n'a rien à voir avec Kim Auclair. En tout cas, ils ne savent pas s'ils ont quelque chose à voir ensemble. Ah, quelle vase! Non, mais ça veut rien dire. J'ai pas fait de joke de cousin. Arrête. Bon, messieurs, on pourrait passer aux nouvelles. Mais avant ça, en fait, je vais vous mettre une petite publicité. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuébec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. Merci Bernard, le métatron du podcast, la voix du podcast. On passe en nouvelles. Jean-Michel, je vais te laisser aller. La première nouvelle, c'est sorti cette semaine. Mais en fait, il y a des spéculations là-dessus depuis l'annonce de iOS 7 concernant un fameux service iTunes Radio. Et puis, on aurait une confirmation que ce serait disponible là, au début là, de l'année 2014. On a vu cette semaine passer une offre d'emploi d'Apple qui cherchait un spécialiste de licence de musique. Là, je ne sais pas le nom exact là, du poste là, qui était recherché. Là. Mais ils cherchaient des gens comme ça dans plusieurs pays. C'était hipster pour Apple. C'est ça le nom du poste. C'est quelqu'un qui va faire les stations de radio avec de la musique que tu connais pas. Probablement là, qu'il va y avoir un petit détail comme ça au Canada, là, mais ce sera sûrement pas comme les autres services, là, en tout cas. Mais donc, c'est ça, ça serait disponible au début 2014. On n'a pas plus de détails, mais il y a beaucoup de gens là, qui se posaient la question là, depuis la sortie là, d'iOS 7. Il y avait un petit truc pour pouvoir profiter de iTunes Radio, puis il y a quelqu'un cette semaine qui m'a dit « Ouais, mais là, j'ai logué sur mon compte américain, puis je suis abonné à iTunes Match, mais ça marche pas. » C'est-tu parce qu'il faut que tu sois abonné à iTunes Match aux États-Unis? T'as pas besoin d'être abonné à iTunes Match. Tout ce que t'as besoin, dans le bêta, en tout cas, je l'ai pas réessayé depuis que la version finale est sortie, t'avais juste besoin d'un compte iTunes américain. Ça vérifiait pas les adresses IP, ça vérifiait pas rien. Ah, donc, dès que t'étais logué sur le compte américain, tu voyais l'icône iTunes Radio, puis tu pouvais faire jouer la musique. La seule affaire que tu vas avoir, c'est de la pub. Ouais. Parce que vu que... Ah, c'est ça que ça enlève, sinon, en fait, sinon, tu dois t'abonner à iTunes Match avec soit une carte cadeau américaine ou une carte de crédit avec une adresse de facturation américaine. OK. Ouais. Mais le problème qu'il y a, c'est justement, il y a quelqu'un des collaborateurs de Mac-Québec cette semaine qui relevait ce point-là, qu'il pouvait le faire en se créant un compte américain. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est très difficile de gérer un compte américain puis un compte canadien en même temps là, sur un appareil iOS. Il va falloir qu'il se déconnecte de son compte américain puis qu'il se reconnecte sur son compte canadien manuellement à chaque fois qu'il veut installer une mise à jour d'application ou bien qu'il veut acheter là, quelque chose dans l'App Store, même si c'est une application gratuite. Par contre, deux comptes sur le même store, ça gère un peu mieux parce qu'en fait, il dit là, j'ai besoin du mot de passe pour tel compte avec tel ID, puis j'ai besoin de tel autre mot de passe pour tel compte. C'est ça, là, tu vas rentrer ton mot de passe canadien, puis là, ça va te dire ben là, ce compte est valide seulement sur le store canadien ou américain. Il va falloir que tu te reconnectes là, au complet, puis. Pour nous qui avons un iPhone 5S, mais là, on perd toute la fonctionnalité là, de Touch ID là, dans le App Store, l'iTunes Store. On ne pourra plus utiliser nos empreintes digitales. Oh, OK. Parce qu'à chaque fois qu'on se connecte pour la première fois, ça demande de confirmer le mot de passe lorsqu'on fait le premier achat. J'ai vu, parlant de Touch ID, on ne l'a pas dit tout à l'heure, j'ai vu un truc sur Internet pour... On sait qu'il y a une limite de 5 empreintes digitales, mais il y a un gars qui montrait comment faire 25 empreintes digitales. Donc, le gars était capable, par slot, de rentrer une main au complet. Et ce qu'il faisait, c'est qu'au lieu de tapoter toujours avec le même doigt, il tapotait avec un doigt différent sur le truc. Je ne sais pas si au niveau de la captation... Ça faisait que c'était aussi précis, mais le gars le montrait après qu'il était capable assez facilement de rentrer dans son truc. On me fait signe de ne pas recommander ce truc aux gens. C'est vraiment pas une bonne idée. Merci, François. Résultat financier, après avoir vendu 9 millions de téléphones, on pense qu'ils vont être vraiment, bons. Est-ce que ça compte? Ceux-là vont compter. Oui, ceux-là vont compter. Et si je ne me trompe pas, Apple, suite à la fin de semaine de malade mentale qu'ils ont vécu le 20, on fait une demande, on en avait parlé au dernier podcast, on fait une demande pour augmenter, en fait, dire nos revenus vont être plus hauts que ce qu'on imaginait finalement, parce qu'il faut... Tu peux pas te planter de beaucoup quand tu fais ces prédictions-là. Fait que quand il s'est passé quelque chose de spécial puis que tu as eu une rentrée d'argent de plus, je pense que tu es obligé d'aviser à ce moment-là. Donc, les résultats financiers qui vont être annoncés pour le quatrième quart le 28 octobre. Et puis aujourd'hui, on apprenait en fait que c'est le 22, si je ne me trompe pas. Oui. 22 que seraient annoncés les prochains iPads. C'est All Things Digital qui nous a appris ça. Puis c'est à partir de 5 heures, ça a fait le tour de la... C'est pas trop long. Effectivement. iPad, Mac Pro peut-être? iPad, Mac Pro. C'était quoi, enfin, quoi la date? MacBook Pro as well, je pense. C'était quoi la date pour les MacBook Pro? C'était fin automne? Oui. Late fall 2014? Oui. Ben pour le Mac Pro, en tout cas. Pour le Mac Pro. Ouais. Ouais. Puis on pense Maverick sortirait la même journée. Là. On est en GM actuellement. Ça va peut-être être une autre annonce pour ça. Non, je pense pas. Non? Ils l'ont déjà annoncé à la WWDC. Là, ils vont dire, on le vend, voici les prix, allez vendre des reins. Oui, allez vendre... Non, mais tu sais, quand Apple dit comme late fall, late summer, c'est vraiment à la dernière minute, je Ouais, sur, j'ai ouais, comme l'impression vrai. Que ça va être fin novembre qu'ils vont annoncer ça. Parce que le Mac Pro, c'est pas un produit consommateur qu'il faut absolument qu'il lance avant Noël, avant que les mamans aient acheté le cadeau. Quand t'es rendu que tu passes une pub dans un Cinéplex Odéon, là, c'est que pour c'est le quand Mac même, Pro? Pour le Mac oui. Pro. Oh, oui. J'étais voir Rush, moi, au Scotiabank. En IMAX, ça Pro, torche. Ça torche, mon homme. L'œil, quand il arrive, tu sais, quand tu vois l'œil qui s'expande, c'est malade mental. Qui c'est qui va acheter ça? Vous allez en acheter un? Non. Ben non. Non, mais on espère bien. En fait, moi, je continue à travailler parce que j'espère qu'un client va acheter. Vous pensez que ça va être quoi, le prix, pour en parler rapidement? Le premier modèle va être à 4 000 ça va monter à 12 000 comme à peu près toutes les... Ouais, c'était ça le prix des Mac Pro, des autres Mac Pro? Ouais, tu peux booster un Mac Pro en boîte. Tu pouvais le monter à 16 000 avec les logiciels et tout ça. Là, tout le monde a déjà fait ça, aller sur l'App Store, cocher toutes les boîtes et checker combien de reins j'ai à vendre. Add to cart. Ouh! Non, je le veux pas avec un clavier français. Là, tu t'essayes de le passer que c'est ta carte de crédit. J'espère que ça va passer. Oh, désolé, ça marche pas. Peut-être. Ouais, non. C'est ça. Non. Et voilà. Non. Voilà. C'est très mauvais pour ton crédit faire ça. Les demandes, un peu trop. Mais non, c'est ça, autour de 4 000 peut-être pour le modèle entrée de gamme. On a fait une émission sur, sur le Mac Pro avec Mathieu Marano du Front Créatif. Puis on ajoutait en fait le prix des processeurs. Puis là, ben OK, une carte Fire GL, le modèle n'existe peut-être pas, mais c'est au bon mot 2 500. Il y en a deux dedans, ça fait 5 000. OK, le disque dur PCI Express, ouais, ben c'est pas en bas de 200 là, tu sais. Puis pour ça, t'as un 250 gigs, tu sais. Après ça, le processeur, ben il y a un gars qui avait trouvé le numéro de modèle, puis lui aussi, là, c'était 2 000 le processeur. Ouais, ça, le gros modèle va monter, mais le premier modèle à 4 000, il n'y a personne qui va l'acheter. Tout le monde va aller crinquer la mémoire en malade, le disque dur, les deux cartes vidéo. Tu ne peux pas changer ça là, un coup. Mm-hmm. Non, mais c'est ça. Ben oui, non, mais t'as raison. Le premier prix, c'est comme moi, à un moment, je réfléchis, ce serait cool d'acheter ça. Rien que pour lâcher. Moi, je l'avais vu, tu sais, à la conférence. Oui, oui, vu oui. Avec tout le monde, là. Donc, personne. Flotter, là, comme. Tu l'as vu dans sa cage, là. Ouais, on l'a vu dans la cage, mais on a surtout vu l'annonce où, en fait, tout le monde était dans la salle. Et puis, t'as Phil Schiller qui arrive sur le stage, puis qui monte la vidéo. Can't puis, innovate my hat. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, t'as tout le monde qui. T'avais plus personne qui parlait dans la salle, quand même. Parce que c'était quand même une... La vidéo était vraiment faite pour avoir un bon punch. Donc ça, c'était bien fait. Mais c'est vrai qu'après, quand tu le vois en vrai, la machine est vraiment, vraiment toute petite. Mais moi, c'est ça, c'est ridicule. Je pensais que ça avait au moins la taille de l'ancien Mac Pro. Non, c'est vraiment exactement une grosse boîte de conserve. C'est mais vraiment, ces ordinateurs-là sont souvent utilisés pour faire des serveurs. Puis j'étais là, OK, on fait développer un rack 3U. T'sais, au lieu de 1U, c'est 3U, avec les cylindres pour le rentrer dedans. Puis il faut que ce soit un truc que tu tournes comme une tête nucléaire. Ah ouais, c'est bon. Puis que tu dois recharger ton truc en glace sèche pour que quand tu l'ouvres, il y a la boucane qui sort, puis tout ça, puis t'as l'impression d'ouvrir une DeLorean. Ça serait le temps de monter ça. Ils vendent des petites machines à boucane pour l'Halloween. Oui, c'est vrai, avec les bulles dedans. Comment ça fait ça? Mais ça, sur Kickstarter, ça va peut-être marcher. Ah oui, on va essayer. Ça serait bon. On va développer ça, un rack 3U. Au Canada? Oui. C'est arrivé, genre? Oui. Oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. C'est bon. D'ailleurs, il y a les amis de brigand.ca ou brigand.com qui ont un projet là-dessus. Vous regarderez ça. Félix Major qui s'occupe de ça. On le salue. Ensuite de ça, Phil Schiller qui nous teaserait pour la iWatch que Fred y croit pas, mais que Phil Schiller ferait ça depuis un an. Raconte-nous ça, GF. Jean-Michel? OK. Vous savez pas pourquoi? Non, mais moi, je l'ai lu ce matin. Okay. Mais apparemment, l'image de profil Twitter de Phil Schiller, ce serait un personnage de dessin animé... Des années 80, 70-80. Puis ce personnage-là aurait une espèce de montre intelligente qui peut téléphoner à son équipe dans son vaisseau puis faire des choses avec. Mais ce personnage-là aurait été utilisé dans la publicité pour la montre intelligente Samsung. le pire produit que... En fait, cette semaine, il y a une pub qui est sortie pour la meilleure pub que Samsung a faite pour leur pire produit. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils te montrent depuis 1900... Oui, c'est lui. Marine Boy. C'est le nom du dessin animé. Jamais entendu parler de ce super-héros. Non, puis ça a l'air que c'est super populaire aux États-Unis. C'est un dessin animé japonais de la fin des années 60. Ouais. Ah bon. Et donc, ce qui se passe dans la publicité que Samsung a mis en ligne, c'est qu'on montre à partir de la montre de Dick Tracy qui lui servait à téléphoner. Après ça, on a eu la montre, il montre celle de Knight Rider, celle d'Inspecteur Gadget, toutes les montres qu'on a eues qui sont des montres intelligentes. Puis à la fin, évidemment, il montre la leur, mais il montre entre autres celle de Marine Boy. Et là, le monde disait, oh, il parle d'une montre intelligente dans la pub de Samsung, puis c'est l'image que Phil Schiller a sur son avatar depuis un an, puis ça n'a comme pas rapport avec Phil Schiller, c'est pas une image corporative. Fait que là, les spéculations, c'était que Phil teasait la iWatch. Tu disais que tu ne croyais pas au produit. Fred, je suis curieux, pourquoi? Ben, je ne sais pas, regarde, qui est-ce qui porte une montre ici, à part François? Tu portes une montre. Non, mais c'est vrai, c'est pas, c'est, je sais pas, je non, sens pas. Non plus. C'est moi, je trouve, mais je sais pas. Moi non plus, on avait parlé ici à un moment donné, je sais plus trop quand. Puis moi non plus, là, même si ça sortait, okay. Je ne jetterais pas. Moi j'ai une meilleure question. Qui dans la salle porte des lunettes puis qui n'est pas obligé d'en porter? OK, c'est ça je pensais. Ouais, ouais. Le wearable computing, en fait, parce que ouais, ça en mais, est là. Mais en fait, autant des lunettes, moi, je peux voir ça l'intérêt. Tu vois, par exemple, bon, c'est sûr qu'on va parler toujours des mêmes types d'applications, mais tu vois, la navigation, ou les choses comme ça, ou les points d'intérêt, que tu es en train de regarder une montre, tu sais, c'est. T'as pas de caméra dessus, tu peux pas montrer des objets. Si tu veux regarder des trucs comme ça, la caméra voit ce que autant les lunettes voient ce que tu vois. Donc si tu regardes quelque chose, un point d'intérêt, bah, tu vas voir une information qui arrive à la montre. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec ça? Donc déjà, c'est pas pratique parce que c'est mal placé sur le corps. Tu vois? Puis en plus, regarde la Galaxy Gear, je lisais les reviews, il y a plein de gens qui disent que c'est super pas confortable à porter. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est le Galaxy Gear, est-ce que c'est mal fait? J'imagine si Apple fait quelque chose, ça sera mieux fait, mais c'est juste. Je vais laisser parler pour ça. Tu vois, moi, j'ai acheté la Pebble. Oui. Kickstarter. J'ai perdu. Puis je l'ai jamais porté à part comme une journée ou deux jours. Exact. Mais j'étais quand même content de contribuer à ce projet-là parce que c'est un Kickstarter. Puis la philosophie derrière l'entreprise, j'ai des amis qui travaillent pour Pebble. Puis je pense que quand même, ils ont une philosophie. Je pense que c'est juste leur premier produit, la montre. Pebble va sûrement faire d'autres produits innovateurs, un peu dans le même segment de wearable quelconque. Mais bon, honnêtement, je ne l'ai jamais porté. Mais je trouve que c'est quand même un jouet intéressant. Comme développeur iPhone, moi, je l'ai acheté vraiment parce que je me dis, ça va être vraiment le premier appareil qu'eux, ils promettent qu'il va avoir un API que je vais pouvoir, avec Bluetooth LE, interagir avec mes applications. Ça, c'est parce que ça a pogné. Hein. Au début, c'était Bluetooth 3, ils s'en foutent un peu. Puis là, vu qu'ils ont vu le cash rentrer, ils ont dit OK, on va le faire Bluetooth 4. Mm-hmm. En tout cas, bref, pour l'avoir expérimenté, il faudrait vraiment que ce soit d'un niveau de qualité supérieur à la Pebble pour que j'ai envie de la porter à tous les jours. Puis il faudrait vraiment qu'il y ait des fonctionnalités inédites que je ne suis pas encore au courant, mais. Je ne suis pas convaincu, moi non plus, que ça sera un grand succès. On a essayé, Alexis et moi, on a essayé les Google Glass. Puis, m'a dit, franchement, là, je vais acheter plus les Google Glass qu'une iWatch d'Apple. C'est vrai? Ah, t'as bien plus de choses. Comme qu'il disait, tu vas-tu montrer ta faute, ton cossin que là, avec ta montre, que tu vas. T'as pas besoin de force, de rien forcer pour montrer le même objet avec tes lunettes, là? Non, mais toi, tu pourrais la garder pas loin pour rester pas loin du micro, par exemple. Oui. Mais sauf que, c'est ça. Mais je veux dire, je vois plus d'opportunités avec une paire de lunettes qu'avec une montre. Mais si Apple, encore une fois, ne sort pas un produit qui est. Parce que là, la Galaxy Gear, là, c'est. On a tout mis dedans. Elle pèse 2,5 tonnes, elle dure 10 minutes sa batterie. Puis, on est les premiers à le faire, puis c'est vraiment un produit qui veut dire ça. C'est Apple qui a fait quasiment cette machine-là. Regarde l'iPod Nano. Ouais. Le nano, c'est ou alors tout le monde s'est battu pour avoir des bracelets. Il y a eu un espèce de second marché tellement fort qu'Apple a fait des apps qui avaient plusieurs formes de montres. Mais en fait, c'est toutes les gestures comme on a Galaxy Gear, tu le faisais avec cet iPod. Oui, tout à fait. C'est, oui, effectivement, tu ne pouvais pas loader des apps, mais la météo ou les apps de base, c'était déjà là. Donc, quand Samsung disent qu'ils ont la montre, toutes les features, tu les as déjà avec un vieux iPod Nano d'il y a 2 ans. Hein. Effectivement, qui ont enlevé du marché depuis, probablement. Tu sais, il y a quand même des signes. Ils ont engagé le gars du Nike Fuel. Ils ont un brevet sur un bracelet batterie dans lequel on intègre la batterie. Je veux dire, ils en ont plein des brevets qu'ils n'ont jamais utilisés. Exactement. Ils font plein de brevets au cas où. Parce qu'ils font des tests. Parce qu'ils ne sont pas idiots. Ils se disent, pourquoi pas, on va tester ça. Et si ce n'est pas bon, on ne va pas le sortir. C'est comme apparemment les iPhones avec où ils testent jusqu'à un iPhone de taille, je sais pas, de 6 pouces ou quelque chose comme ça. Ils font les prototypes, ils testent. Si ce n'est pas viable, ils trachent ça. Ouais. Et entre-temps, ils vont faire un brevet dessus, on ne sait jamais. Mais moi, le problème, c'est que moi, je ne me vois pas. Moi, je trouve des use cases plus intéressants pour les lunettes que sur la montre. Puis la montre, je trouve ça tellement pas. Tu peux regarder ton poignet, puis les lunettes vont faire apparaître une montre. C'est malade. C'est honnêtement, avec Google Earth, j'ai vraiment regardé la tech, j'ai vraiment regardé ce qu'ils faisaient. Il y a plein de possibilités vraiment intéressantes. Ah oui, il y en a beaucoup. Plein. Oui, j'ai vraiment hâte à l'année prochaine. Des sous-titres à un film que tu es allé voir en anglais, puis que tu les as pas pour de vrai, ben lui, il se branche sur une base de données, puis tu as tes sous-titres. C'est vraiment de la vraie science-fiction, là, dans laquelle tu regardes quelque chose, puis tu as les informations qui viennent vers toi. Tu regardes un panneau d'autobus, tu as directement les informations. C'est une montre, la vision sur la montre, c'est la grosse force de Google Glass, c'est la capacité d'analyser la vision. Ben oui. Ta vision, finalement. Oui, et la montre, c'est à part quoi, te géolocaliser, ce qu'a fait Samsung, ils n'ont rien trouvé de use case auquel tout le monde avait imaginé ça. Puis regarde ça, c'est pas pratique, c'est pas... Donc, mais tu sais, écoute, je sais jamais, je suis toujours surpris par Apple. Des fois, ils arrivent avec quelque chose, tu dis, ben mince, alors ça, j'y aurais jamais pensé. Tu vois? Donc, il y a peut-être quelque chose, d'ailleurs, que je ne suis pas arrivé à voir à travers ça, mais effectivement, il y a des signes comme quoi ils travaillent sur un petit device. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va prendre la forme d'une vraie montre? On ne sait pas là-dessus. C'est sûr qu'ils ne vont pas s'arrêter à ça, il va y avoir autre chose, mais bon, Samsung les a pris. Samsung a pris toutes les rumeurs. Et ils en ont fait un produit. Tout ce qui s'est dit depuis un an, ils ont dit, tout ce qui se dit, toutes les niaiseries, on fait ça, puis on le fait. Ouais. Et puis voilà ce que ça donne. C'est un produit... en fait, c'est la montre créée par Homer Simpson. Exactement. Ouais. J'allais dire, c'était la voiture d'Homer Simpson. C'est exactement ça. Ouais. Exactement ça. Voilà, le average Joe qui dit, « Oh, my car must have... » Comment elle s'appelait, sa voiture? C'était la Simpson Mobile? Oui, ou la Homer Mobile. En fait, ça a ruiné son frère. Des spoilers, 3 étages. Puis, des tests ont été faits cette semaine. Oui, tu voulais dire? Non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Des tests ont été faits cette semaine entre Mavericks et Mountain Lion au niveau des benchmarks. Et Mavericks est sorti en GM. Voilà. Ça, ils ont pu faire les tests parce qu'on a accès à la version finale du système. En tout cas, Patrick Ducharme a l'accès. Oui, exactement. La version finale. Un accès plus facile que nous. On le salue. On le salue. C'est une inside, en fait. Ils ont fait des tests. Excuse-moi, Don. D'ailleurs, c'est toujours le fun qui utilise Goldmaster. Tu sais d'où ça vient, Goldmaster? Non. Tu ne savais pas d'où ça vient, Goldmaster? Non. Parce qu'à l'époque où tu utilisais des CD à graver, ils étaient gold. Ouais, OK. Donc, en fait, le CD qui est prêt pour partir en usine, de la version finale, il est pressé sur des CD qui sont couleur gold. Donc, Goldmaster, c'est le CD... la couleur du CD. Donc, ça, c'est marrant. Maintenant, on n'utilise plus de CD. On utilise plus de CD. Mais on utilise le terme. Ils utilisent Apple Golden Master comme, en fait, Microsoft utilise RTM, Release to Manufacturing. T'as rien à manufacturer quand tu fais du digital, non? Mais ils utilisent encore les... La version RTM, c'est la version Gold Master, c'est à cause des... Tu sais, quand tu gravais des CD, ils étaient souvent gold. C'était les meilleures qualités de CD. Exactement, c'était ceux qui fonctionnaient dans les PlayStation 2. C'est vrai. Les bleus, Mandalay, Irico. La belle époque. Oui, la belle époque. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Ah oui, ils ont fait des benchmarks entre les deux, l'ancien et le nouveau système qui s'en vient. Oui, c'est ça. Ben, comme Fred le disait, c'est vraiment tout a été mis au niveau de l'économie d'énergie. Mais au niveau d'économie d'énergie. Se faire une pause puis aller vérifier sur la page de YouTube si on diffuse encore parce que j'ai plus d'image. Tum, tum, tum, tum. Moi, je suis encore là. Moi, je suis là. Oui. Moi, j'ai Please Stand By. OK. Moi, j'ai ça. Moi aussi. Fais refresh. Pourquoi je ferais ça? Je ne veux pas faire ça. OK, refresh. Ah, non! Qu'est-ce qu'il a planté? Ça fonctionne encore. C'est encore diffusé. Please stand by. On va attendre. Il y a 15 personnes qui nous suivent en live. Ça a-tu monté plus haut que ça? Oui. Non, ça a monté à 16 peut-être. Okay. Non, c'est peut-être 16, eux autres qui ont un please stand by. Ouais, c'est peut-être eux autres qui ont un problème. Ben, on dit qu'on est. Ah, il y a une publicité qui vient de partir. Poum, poum, poum. On va attendre un petit peu. On va attendre. Faut-tu attendre une minute avant de. Non, on commence à. Ça devrait repartir au moment. OK. Bon, on est de retour. Tout le monde regarde la caméra. Ouais, le lag est pas mal moins long que c'était avant. On est de retour. On a eu un petit problème technique. Oui, il n'y a personne qui n'a rien vu. Non. Parfait. On est en train de parler de quoi? Ah oui, les benchmarks des deux systèmes. Ouais. C'est ça que j'étais en train de dire, parce qu'ils ont vanté au WWDC qu'ils ont amélioré côté performance mémoire. T'sais, ils ont montré un genre de design que ça prendrait... Je me suis... C'est la compression. Oui, exactement. La compression de mémoire qu'ils ont utilisée. Ils ont montré que, mettons, une partie de mémoire prend ça, maintenant ça part... Puis ils vont chercher juste que vraiment ce qu'il y a... Oui, je me souviens du design. Là, on voit les benchmarks qui sont sortis cette semaine. C'est pas très, très impressionnant, là, ces côtés... C'est vraiment pas fort là, comme tu sais comme mettons. Ben, il y a des compressions au niveau de iMovie où est-ce qu'on gagne 10 secondes sur la même machine au niveau de la compression, puis il y a d'autres trucs où est-ce qu'on en perd un Mais peu. Mais c'est surtout pour le launch des apps. Après, la performance brute va rester la même sur la même machine. Mais par contre, c'est la réactivité de l'OS que tu vas voir la différence. La compression de mémoire, ça permet d'éviter de faire du swap et de garder le plus possible de choses en RAM. Donc, si par exemple, tu as une application qui faut se launcher, puis tu as des applications inactives, plutôt que de swapper la mémoire, ça va compresser la mémoire de ces applications. Donc, ça va se launcher plus rapidement. Parce que Mavericks, dans cette version-là, prend beaucoup de... Elle stocke beaucoup de mémoire dormante hein, dans la RAM, là, c'est l'enfer. Là. Ah, okay. Je vois ma RAM monter là, en flèche là, quand je me pars avec mes logiciels. Là, c'est comme garde ça en mémoire souvent. Je ne sais pas ce qu'il va chercher là-dedans, parce que là, je ne suis pas. C'est vraiment un mauvais signe. Je veux dire, l'utilisation de mémoire, si elle est contrôlée de façon adéquate par l'OS, ça peut être une bonne chose. Je veux dire, tant que c'est pas à un point où ça sature puis qu'il n'y a plus de. Ça perd le contrôle. Avec, là, non, mais c'est ça. Je veux dire, l'OS qui va optimiser l'utilisation de justement la RAM pour utiliser le plus pour t'apporter une réactivité, ça peut être bien. Puis historiquement, macOS 10 a toujours eu un penchant vers plus que ça par rapport à d'autres OS. Utiliser plus la RAM upfront, avant même que tu en aies vraiment besoin pour comme précharger certaines choses, des choses. Donc, je sais pas, c'est discutable. Je veux dire, de juste regarder le chiffre, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que tu sens derrière un ralentissement à cause de ça? C'est une question. Ouais, c'est une autre question, oui. Sinon, en fait, iOS 7 est sorti et on a beaucoup de questions, et Jean-François le sait, on a eu beaucoup de questions par rapport aux gens qui ont eu des problèmes sur iOS 7. Il y en a un, entre autres, qui a émergé cette semaine, c'est au niveau du iTunes Store, si je ne me trompe pas. Ça m'est arrivé. L'accès, en fait. C'est vrai? Oui, je suis plus capable du tout d'ouvrir l'iTunes Store. Pour régler la solution, en fait, pour régler le problème, c'est quoi? Bon, moi, ce que j'ai fait, je me suis simplement déconnecté. J'ai fait sign out à partir des paramètres. Mm-hmm. Puis je me suis reconnecté après. Là, mais avant, j'ai fait un reset des paramètres réseau. Là, puis d'autres étapes qui n'ont rien donné, là, finalement. Mais moi, après un sign-out, ça a fonctionné. Mais dans l'article qu'on a ici, ça dit qu'on peut simplement accéder au iTunes Store à partir de l'application musique. Il y a un lien Store maintenant en haut. On utilise ce lien-là, puis l'iTunes Store ouvrirait normalement. Ah, OK. Moi, il ne l'avait pas fait. Quand j'étais chez Beta, il me l'avait fait, ce problème-là. Je l'avais écrit sur Facebook. Puis j'avais essayé, j'avais été me chercher une chanson sur Google, tu sais, j'avais marqué une chanson avec le lien iTunes pour qu'ils me le repartent en recherche. Ouais. Puis ça n'a jamais fonctionné pour moi, en tout cas. Là, mais, okay. Parce qu'on a eu quelqu'un sur Twitter qui nous a posé la question, qui a eu le même problème. Là, fait que... ben, en fait, ce que tu parles, le reset des paramètres réseau, ça va devenir en fait la seconde phrase après une virgule, après « Have you tried to turn it off and on again? » Puis virgule « Have you tried to reset the network settings? » Parce qu'à chaque nouvelle version, on entend deux choses, les gens gueuler contre la batterie et des gens qui ont toutes sortes de problèmes de connexion à leur fournisseur qui est réglé par le reset des paramètres réseau. Mais moi, je trouve que depuis que j'ai iOS 7, j'ai besoin de le faire plus souvent, ce reset des paramètres réseau. Okay. À mon école... le réseau Wi-Fi, on a un réseau Wi-Fi avec une authentification avec un username Windows, puis un mot de passe Windows. Puis des fois, ça ne veut plus rien savoir, ça ne veut plus se connecter. Là, ça m'arrive une fois par semaine. Là, ouais, avant, ça ne m'arrivait pas. Je pense que ton problème n'est pas iOS 7, là, c'est plus Windows. Mais pourquoi avant, ça fonctionnait avec iOS 6? Ben, parce qu'eux autres aussi, là, ils ont mis à jour. Je suis une mauvaise foi. En tout cas. Ouais, c'est ça. C'est. Écoute, tu demanderas au prochain rédacteur en chef de Windows Québec. Là, il va t'expliquer tout ça. Ouais, c'est l'Active Directory. Ah, c'est tout le temps l'Active Directory. Donc, il y a cette solution-là pour le iTunes Store. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui ont des problèmes. Oui, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui gueule contre le design. Ah, ben ça. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça. C'est trop Android, c'est trop Microsoft. Mais nous autres, on ne le voit plus. Là. Non. Nous autres, ça fait 5 mois qu'on l'a. Là. C'est comme, mais tu t'en prends un avec iOS 6, c'est comme wesh. Oui, exactement. Ouais. Là, l'iPhone 5 de mon beau-frère, il y a encore iOS 6. Pis... Même encore aujourd'hui, tu prends l'application podcast. Enfin, toutes les applications d'Apple qui n'ont pas été mises à jour, dont l'application podcast que moi, j'utilise beaucoup, qui est skeuomorphic design tu, au bout. Tu utilises l'application podcast? Ouais. C'est Downcast qu'il faut que tu ailles chercher à ce moment-là. Bon. Mais ça me suffit à mes besoins. Mais je veux dire, justement, je le mets en sleep puis j'écoute. Mais visuellement, c'est comme, ouais, ça clash vraiment avec le look and feel du système. Hein. Mm. Puis là, tu te fais des petites poupées de Scott Forstall puis tu tapes dessus. D'ailleurs, Scott Forstall, qui est revenu dans les nouvelles cette semaine et qui va probablement être obligé de revenir. Il y a un procès actuellement où est-ce qu'il était chez Apple au moment où est-ce que les choses se sont passées. Okay. Et il va peut-être être appelé à témoin. Si je ne me trompe pas, c'est soit le procès sur les livres ou sur un autre truc, là, mais ça m'échappe. Ce que j'ai vu rapidement, je crois que c'est un procès que Samsung a oui, c'est ça. Là-dedans, dans les brevets, tout ça, mais je suis... Le rubber band, là, la nouvelle n'a pas été que sur le site du Front créatif, mais le Front créatif de Montréal nous informe qu'il y a eu un hack sur les bases de données de Adobe, Adobe Cloud. Donc, ce sont des comptes qui sont reliés à des cartes de crédit. Et donc, si vous êtes un membre Adobe Cloud, on vous recommande fortement de changer les réponses à vos questions de sécurité. C'est pas tous les comptes, par exemple. C'est 2 millions de comptes. C'est 2 millions. Si c'est le total, mais moi, j'ai reçu le email comme quoi... Mon compte pouvait être là, dans. Je ne sais pas si je l'ai envoyé à tout le monde, là, mais. Moi, je l'ai jamais reçu. Non, ben moi j'ai reçu un email là, concernant non, ça. Non, mais les versions piratées, tu reçois. Non. J'ai un compte cloud chez Adobe. Justement, tout le monde a un compte. Mais moi, je ne suis pas abonné à rien. Moi aussi, j'ai des versions. J'ai un compte. Je n'ai pas ma carte de crédit là, dessus, donc j'imagine qu'il y a moins de danger. Là, mais quand même, j'ai changé mon mot de passe, j'ai pas pris de chance. Changé de tien. T'as reçu l'email? Non, j'ai pas reçu l'email. Non. Tu l'as changé? Non. Apparemment, il offre également aux États-Unis un service de monitoring de cartes de crédit là, pour les gens qui pourraient être... Mais les numéros de cartes de crédit sont encryptés, donc... Il faudrait vraiment qu'ils fouillent pour le trouver. Mais moi, c'est password, mon mot de passe. Fait que le hacker qui va tomber là-dessus va faire « Ah, il est-tu épais? » Puis il va passer au prochain. Comme je disais, on a fêté un anniversaire, toi et moi, Jean-François, mais Tim Cook, lui, a commémoré le 2e anniversaire du décès de Steve Jobs en envoyant un email aux employés, puis en répétant comme quoi l'âme, tout ça, la vision de Steve Jobs continue à être portée chez Apple. Moi, j'ai tendance à croire que c'est vrai, malgré tout ce qu'on lit dans les... Apple n'est pas en train de se casser la figure. Loin de là, là, mais vraiment loin de là. Dès que vous lisez quelque chose qui dit que Apple est en mauvaise position, il n'y a pas une erreur stratégique grave qui a été commise par Apple depuis que Tim Cook a pris le contrôle de Apple. Vas-y, François. Si ce n'est que même des bons coups, justement, on parlait de Scott Forstall. Mm-hmm. Oui, c'est ça. c'est à suite à, après la mort de Steve Jobs. Mm-hmm. Puis on a vu des histoires, là, un peu des inside stories de que Scott puis Steve étaient pas mal buddy-buddy. Ouais. Puis ça ne serait pas fait sous le règne de Steve. Mais ça a été le cas après, suite à ce qu'on a su là, à propos de Maps et tout ça. Puis on a vu, on peut deviner un peu l'historique du développement d'iOS 7. Probablement qu'une bonne partie du développement d'iOS 7 s'est fait suite à la mort de Steve. Oui. Non, évidemment. Au départ de Scott Forstall. Et également, probablement une bonne partie après que Scott soit parti. Au niveau du look, en tout cas, c'est sûr. Oui, c'est ça. Donc, on peut deviner que ça a été un point décisif, peut-être, qui nous a... On peut le deviner là, à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est... Je pense que ça a été bénéfique d'un certain côté. Hein? On peut même recommander, en fait, aux auditeurs, dès que vous voyez une nouvelle qui commence par « Apple a des problèmes »,« Apple ne va pas bien », ce n'est pas ce que Steve aurait fait. Ça, là, dès que vous avez une source de nouvelles Apple qui dit ça dans votre feed RSS, vous prenez la source, vous la crissez au vidange. Parce que c'est un journaliste qui ne sait pas de quoi il parle, qui a probablement repris une nouvelle parce qu'on lui a dit « bitch sur Apple, c'est de bon ton », mais c'est complètement ridicule. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'à l'époque où la première fois Steve Jobs est parti de Apple, de un, ce n'était pas l'homme que c'était en revenant en 97 et pas non plus l'homme que c'était en partant en 2008. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand il est parti en 84, c'était des incompétents qui étaient en place et ça leur a pris 10 ans avant d'amener Apple au bout du gouffre. Actuellement, on a une équipe qui a été montée par Steve Jobs, qui est dans la force de l'âge, qui est allé choisir spécifiquement ces gens-là pour leur talent. Et depuis 2 ans, ils n'ont pas fait, comme j'ai dit, d'erreur stratégique majeure. Et on peut voir peut-être qu'ils ne vont pas... je ne sais pas, ce serait quoi le « disrupture » en français, là, comme les fractures, les cassures... comme on a avec l'iPhone, par exemple? Ça me fait penser à un article du New York Times que vous avez peut-être lu, qui est sorti cette semaine. OK. Qui s'appelait... Je lis ici, là. L'article s'appelle « And then Steve said, let there be an iPhone », qui raconte essentiellement un inside story du développement de l'iPhone depuis 2001 environ. OK. Puis vraiment, les équipes underground dans les labs très, très secrets où il fallait comme 5 cartes pour passer d'un entrer un SAS, un autre, un lab secret dans un lab secret dans un lab secret. Puis là, il y avait Steve qui sortait de l'ombre puis qui disait « Bienvenue au niveau 7 ». Oui, c'est puis cet article raconte vraiment l'histoire de ces gens-là puis raconte à quel point c'était fait dans un secret incroyable puis qu'ils ne savaient pas s'ils arriveraient au bout de développer l'iPhone. Puis plein d'anecdotes de... Justement, du moment où ils ont fait le fameux keynote où il est sorti de sa poche, il a dit « Ah, voici le téléphone, mais je vais vous le montrer pas tout de suite. » Puis qu'ensuite, il a fait toutes les démos. Puis que c'est un outil de communication. Ouais, c'est un iPod. C'est un téléphone. C'est un outil de communication. C'est un iPod. C'est un téléphone. Don't you get it, people? Mais donc, cet article est vraiment, je vous invite vraiment à le regarder. Vous trouvez peut-être le lien sur Mac Rumors. On va le rajouter dans les. Puis à la fin, l'anecdote que j'ai bien aimée, c'est que tout le keynote, c'est vraiment, vraiment bien passé, comme on l'a vu. C'est un des meilleurs keynotes de l'histoire de Steve. Puis les gens, ils étaient dans la 5e rangée, la plupart des développeurs de l'iPhone. Puis ils étaient ébahis de voir wow, ça fait des semaines et des semaines qu'on répète ça, et c'est la première fois que ça se déroule sans aucun bug. Puis ils étaient, puis apparemment, ils avaient tous une bouteille de scotch cachée dans un flasque, puis ils ont tous calé quand le keynote s'est fini, comme, oui, on a fini. On veut juste oublier maintenant. Sur ma liste, ouais, bon, c'est beau, on va skipper, c'est pas intéressant. Mm-hmm. Le iPhone 5S qui est numéro 1 chez tous les fournisseurs majeurs américains. On a vu des listes chez Verizon, T-Mobile, mm-hmm. un peu partout. Il y a un Galaxy S4 là, qui est un téléphone qui donne, je pense. Ouais, c'est encore vendu à le même prix là, que l'iPhone, là, pas mal. Ouais. Ça fait 5 mois là, qu'il est sorti à peu près, 5-6 mois. Là. Hein? Mm-hmm. Ben, on est c'est ça, là, eux autres, leur date de sortie est optimale pour dire, OK, on a encore X nombre de temps avant que le iPhone sorte, ouais. Et on a X nombre de temps avant de tomber dans la période où les gens vont attendre après le prochain iPhone, qui est un 3 mois avant la sortie. Donc, oui, et je lisais même, en fait, que Docomo, qui est une compagnie japonaise, mm-hmm. fournisseur japonais, a perdu 66 000 ou en tout cas, c'est un chiffre qui ont sorti, mais aurait perdu 66 000 clients qui sont allés avec des plus petites compagnies, mais qui, eux, distribuent l'iPhone parce que Docomo vient de commencer à le distribuer. Mm-hmm. Puis l'autre chose, d'un autre côté, ce que je vois, ils ont commencé déjà à faire des soldes sur les iPhone 5C. Ouais, ont... Best Buy aux États-Unis, là, 50$ de moins, Walmart aussi ont fait ça, mais ça se vend pas. T'es sûr? Ben. C'est qui? Si tu t'informes comme il faut, OK, peut-être le gars ou Apple Store, si tu t'en vas là, je veux un iPhone. Ah, mais attends Noël. Attends Noël. Parce que ça va être parfait là, pour ce genre de truc. Puis il faut pas oublier qu'il n'est pas très cher quand tu l'achètes chez un opérateur. Oui. Donc, il est combien chez Rogers, mettons? 149, peut-être, ouais, c'est à peu près. 149 avec mm-hmm. Si tu renouvelles ton contrat, c'est un bon téléphone. Tu sais, l'iPhone 5, ça reste un excellent téléphone. Il y a du Twin qui vont avoir un téléphone plutôt qu'un iPod. Oui, cette année, exactement. Ouais, l'iPhone va remplacer tous les gens qui ont des iPods. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est sûr que les geeks et les gens qui faisaient le line-up, ils n'allaient pas faire ça pour un iPhone 5C bleu. Quoi. Non. Il y en avait combien dans la ligne? Sûr. Il y en a trouvé deux, effectivement. Deux? Dans la file, uh-huh. Il y avait deux gars. Il y avait un gars qui était là aussi pour un power supply de MacBook Pro. il fonctionne bien? Je ne l'ai même pas acheté le matin même. Ah, OK. J'étais trop... Ah oui, c'est vrai, tu as eu un problème. Ouais. Ouais, dans les 10 premières personnes qui font la ligne, il y a toujours un des gars qui a une espèce de problème incroyable. Les serveurs, ils plantent d'en face, même s'il était le premier. Et ce matin-là, c'était Jean-Michel qui a eu... Les serveurs fonctionnaient très bien, mais c'est... Oui, les serveurs, on ne l'a pas dit, hein, mais les serveurs ont tenu le coup cette année. Je ne sais pas s'ils ont augmenté l'infrastructure ou ils ont menacé de tuer les enfants du gars d'IT chez Rogers. J'ai hâte de recevoir ma première facture, là, ma prochaine facture là, qui s'en vient là, dans 2 semaines à peu près. Là, au nombre de crédits qu'ils m'ont donné pour s'excuser de ce qui s'est passé. Là, parce que tu penses qu'ils vont te donner de l'argent? J'ai rappelé après, puis j'ai rappelé, puis il y avait des erreurs, puis j'ai des options créditées ce mois-ci pendant 2 mois, puis j'ai des crédits supplémentaires. Ça va me coûter 30$ à peu près ce mois-ci là, pour mon service, qui est supposé m'en coûter 65. Là. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de facture, tu sais que l'iPhone, j'ai appelé Vidéotron. Oui. Et tu sais que l'iPhone 5C et 5S marchent sur le réseau Vidéotron. Oui, ouais. Ils vendent, en fait, depuis même un peu avant la sortie de ce téléphone-là. Depuis le mois de juillet, là, qu'ils vendent les nano-SIM chez Vidéotron. Ah, donc, ça se mettait dans l'iPhone 5. Ça, justement, je ne savais pas, j'ai dit appeler, ça c'est super bon. Oui, c'était ça le problème. Exactement. Oui. Oui. Oui, celle-là, elle est AWS, là, qui est les bandes de fréquence. Par contre, le réseau, il faut savoir, le réseau de Vidéotron, il est HSPA, il n'est pas LTE. Mm-hmm. Donc, il est beaucoup moins rapide. Là. C'est du 3.5G. Il est surtout juste au Québec. Ouais, tu vas en Ontario, tu payes du roaming. Oui, c'est ça. Parce que là, ils te le vendent qu'ils ont les plus bas taux de roaming dollars au roaming avec l'annonce que j'ai vue. Côté affaires, c'est sûr, tu traverses en Ontario, tu vas payer ton roaming. Là. Mm-hmm. Tandis qu'avec Rogers, Fido, Bell, mais t'as pas d'itinérance sur le data. T'es sur le data. T'as pas d'itinérance pour la voix, pour les appels locaux. Donc, si t'es à Toronto et tu fais un appel local à Toronto, tu payes pas de frais d'interurbain. C'est ça. Exactement. On vous passe une petite publicité avant de tomber dans le morceau questions-réponses. Et voilà. MacQuébec.com. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Elle était 40. Il y a quelqu'un qui l'a retweeté la semaine passée. Le meilleur de la pomme sans les pépins. On passe à la section questions-réponses. On n'en a pas beaucoup aujourd'hui. On n'en a pas, faut dire. On les a créés, on s'est posé des questions. On a une astuce à donner. Oui, voilà. Mm-hmm. Et on rappelle aux gens, en fait, que vous pouvez nous téléphoner au 1-877-561-2357. Le 1-877-561-2357. Oui, toi, le jeune à la maison, si tu as un problème avec ton Mac, que tu ne sais pas comment faire réapparaître les barres de navigation sur le côté dans Mountain Lion, ou que tu veux te plaindre de la perte des couleurs de tes icônes dans ton... ta colonne de gauche dans ton Finder, tu peux nous appeler à ce numéro et les gens qui vont nous poser des questions, on a, je pense, des codes promo ou des porte-clés. Les codes promo. Les codes promo, ils commencent à être défraîchis. Le document commence à être poussiéreux. Voilà, ouais. Mais on est toujours à la recherche de codes promotionnels. Je pense qu'on a des codes pour U-turn, mais je ne suis pas sûr. Your turn. Ouais. Donc, voilà, vous pouvez nous appeler. Puis, habituellement, en fait, on a des codes promotionnels. Mais là, les développeurs sont un petit peu frileux de ce temps-ci. Donc, on en a un petit peu moins. Donc, pour la section des cinq prochaines minutes de Les amateurs de Mac, bonsoir. On propose, en fait, un article de support de Apple expliquant comment nettoyer un appareil et des accessoires. C'est mignon! Moi, je savais pas qu'il y avait ça. J'ai vu ça dans les articles que tu avais relevés cette semaine. On nous pose souvent la question, comment nettoie-t-on un Mac? En fait, du vinaigre. Hein? C'est pas mal, pas pur, là, mais dans l'eau. Bon. Qu'est-ce que tu as noté dans cet article-là qui pouvait être intéressant? Moi, je l'ai regardé vite, mais c'est vraiment, ça passe en revue tous les appareils et tous les accessoires à Apple. Donc, ça passe non seulement les iPods, iPhone, iPad, mais aussi comment nettoyer son étui d'iPhone, comment nettoyer son clavier à Apple, comment le désinfecter, comment nettoyer sa Mighty Mouse, sa Magic Mouse, n'importe quoi. OK. C'est quand même intéressant, mais c'est de base là, comme truc, là, mais quand même, pour quelqu'un là, qui se poserait la question. Là. J'ai écrit un email à Florian de Mac Génération, je pense, ou Mac Forever, un des deux. Je m'excuse de le mélanger. Puis je lui demandais, en fait, on cherchait cette semaine à être avisé. Et j'ai pas l'adresse, je la mettrai dans les notes du podcast, mais quand Apple sort des nouveaux, on appelle ça des KB. C'est des nouvelles pages, en fait, de support. Knowledge Base, je ne sais pas trop. Knowledge Base, oui, voilà. Donc, c'est des nouvelles pages dans la Knowledge Base et il y a un feed RSS qui existe de ça, en fait, qui est parsé de différentes façons. Donc, vous pouvez avoir les plus populaires, les 10 dernières qui ont été publiées, tout ça. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, je lui demandais, lui, parce que souvent sur Mac Forever, il y a Apple vient de mettre justement une page comme ça. Le site ou le Twitter qu'on prend, là, tu sais, qui nous envoie nos affaires. Is the Apple Store's down? Yeah, the Apple Store's down. Mm-hmm. Ils doivent se baser sur les KB qui sont sortis, là, tu sais, les applications qui sont sorties. Fait que, voilà. Sinon, au niveau découverte, messieurs, quelque chose qui va faire plaisir à notre ami Fred Brunel. Des images d'une potentielle manette de jeu pour iPhone de Logitech. En fait, on n'avait pas eu un preview de ça à la WWDC. Non, il l'avait pas. On n'a jamais vu. Okay. Ouais, moi, je sais que j'avais vu un case avec. Mais il l'avait montré ça, dans ça, la conférence. Est-ce que c'était Logitech qui non, c'était pas Logitech. C'était, j'avais regardé le petit c'était pas Razer? Non. Ouais, ça, c'est comme un case. Oui. C'est ça. Ouais, ça le transforme en espèce de... pas Jaguar, là, mais celle que Sega avait sortie, qui était comme 4 fois épaisse, 3 fois large, mais étant en couleur. Ouais, comment ça s'appelait? Ouais, Game Gear. Voilà, Game Gear. Game Gear. C'est... c'est loin, hein? C'était... Ou la Lynx. La Lynx, ouais. C'est pas un genre d'écran CRT dans un Game Gear? Il me semble que ça l'ouvrait, là, puis ça faisait genre oui, de statique. C'est vrai. Oui. Hein? Effectivement. Ça coûtait genre 400$ à peu près, là, cette affaire-là. Je sais, j'en avais eu un usagé, là, de mon demi-frère. C'était cher. Hein? Mais donc, il y a une image qui serait sortie de ça. C'est pas vraiment de ça que tu nous parlais, par contre, au début, un casing manette. Là. C'est pas ça qui est des plus excitants. Non, mais en fait, ça marche pareil. En fait, tu mets un case, mais derrière, la communication, c'est Bluetooth. OK. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est que t'es vraiment une vraie manette à l'extérieur de ton iPhone. Mais tu sais, en fait, tu vas pas sortir ça, t'es dans le bus, tu poses ton iPhone quelque part, puis tu sors la grosse manette de Xbox. Excuse-moi, peux-tu maintenir ça, s'il te plaît? Merci. Ouais, c'est ça. C'est, yes. Tu sens que ça va servir à autre chose. Mais en tout cas, c'est, effectivement, si tu veux jouer, t'as ce genre de truc qui marche. Mais je pense que les développeurs de jeux, ils doivent l'utiliser, le framework, sinon ça ne marcherait pas. Hein. Les développeurs de jeux doivent adapter les jeux vidéo pour supporter ça. C'est exactement. Ouais. Qui s'appelle Game Kit, Game Controller Kit, carrément. C'est vraiment, si l'application ne supporte pas, ça ne sera pas supporté. Donc. Excellent. La version iOS de Microsoft Office sera en attente du développement de l'interface Touch First pour la version Windows. C'est logique. Pour moi, ça. Ouais, non. Il y aurait une nouvelle version de l'Office pour Windows là, qui s'intégrerait là, justement aux tablettes comme le Microsoft Surface RT, okay. Avec une nouvelle interface là, plus adaptée là, à une interface tactile. Donc, ce serait ce qui explique là, le délai là, ça fait longtemps qu'on entend parler là, quand même là, d'une possible version Microsoft Office pour iOS. C'est ce qui expliquerait le délai. Là, de... Faut pas oublier que notre Office 360 finit en février, je pense. Oh, on va essayer de regarder ça. Ce serait le fun qu'il arrive avec une nouvelle version de Office bientôt. Sur Mac? Oui, parce que Outlook, 2010, je suis capable. 2011. 2011 sur Mac? Hein. 2011, là. C'est loin en informatique. Là. C'est 42 ans d'informatique. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu as des clients qui utilisent encore Outlook? Oui. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah, Touchdown, Mac Touchdown, qui est sorti cette semaine, qui est un client Active Directory, qui se connecte sur Exchange, mais qui gère un peu à la Outlook. D'ailleurs, tiens, ça va être mon pick of the week. Donc, c'est un bêta, ça s'appelle Mac Touchdown. Vous regardez ça, Mail Client, mm-hmm. Et vous avez un calendrier, un livre de contact. C'est comme un Outlook, mais beau, très, très Apple, qui gère en fait toute la gestion Exchange dans un truc. Donc, ça vaut la peine parce que il n'y a pas d'outils de ce côté-là. Et comme consultant, quand tu rentres dans un Apple Store et tu leur dis « Salut, je fais du service à Apple », la première chose qu'ils te demandent, c'est « Es-tu capable d'intégrer Outlook ou en fait une machine Mac à un réseau Exchange ?» Là, tu fais comme ouais, mais c'est pas toutes les options qui fonctionnent. Ils ont pas toutes mis. Ouais, ils sont pas toutes. Il est comme déçu, tu sais. Mais oui, mais c'est la Mactopia Team là, qui s'en fout. Ben ouais, c'est ça. Fume, que... C'est comme Messenger là, quand il avait sorti ça dans le temps, tu sais, avec sur OSX, Astix, bon, ça allait mal. Ben, même Skype aujourd'hui, il y a des options qu'il n'y a pas là, sur. Ouais, il n'y a pas le Full HD. Uh-huh. Et HD, il n'est pas. By the way, comme ça, là, on est hors propos, mais la C920 qu'on utilise comme caméra, on a essayé à peu près tout pour enregistrer avec, puis ça n'enregistre pas en HD. Là, uh-huh. QuickTime enregistre en HD avec la caméra. Ah ouais? Tu ouvres QuickTime, tu fais capture de caméra, puis ça fait paf, tu es en 1080. Ah ouais? Oui, c'est super. J'ai enregistré cette semaine, j'étais comme... Wow, it's amazing. Ah. D'ailleurs, on va faire une petite promo. Ça me surprend quasiment que tu ne savais pas. Moi, quand je m'en suis acheté une, je l'ai retournée, mais Première affaire que j'ai cherché, c'est comment enregistrer en 1080p, puis c'est QuickTime. C'est un vieux monsieur sur YouTube qui te l'a montré? J'ai aucune idée. Je pense que oui, c'est une vidéo YouTube. C'est un vieux monsieur sur YouTube qui me l'a montré. Je trippais. Messieurs, quand on parle de vieux monsieur sur YouTube, c'est qu'il est temps d'y aller. On remercie nos invités d'aujourd'hui, François Proulx et Fred Brunel. François, où on peut te retrouver sur les intertubes et que fais-tu en ce moment? Ah, sur Twitter, bien que je n'utilise pas très, très régulièrement, mais parfois sur Twitter. François Proulx, littéralement en un mot. Sinon, en ce moment, je suis toujours à l'emploi de Bell Canada, division services professionnels, où on fait du développement d'applications mobiles, entre autres. Non, mais et où vous, d'autres choses. Et où vous développez les prochains costumes de Batman? Ouais, non, mais pardon? Le Bell Fib s'en vient de ça à Montréal, là? Ah, je l'ai chez moi. Ouais, mais je veux dire, non, mais le Bell Fib qui est à Québec, là. Le 175. Là, chez nous. Il y a certains quartiers qui l'ont, oui. Okay. Mais je ne suis pas sûr qu'ils veulent mettre ça sur l'île de Montréal. Les camions sont à peu près 24 heures sur 24 à côté de chez nous. Dans White, la même affaire chez nous. Ils sont tout le temps, 24 heures. Dans mon quartier aussi, il y a des camions belles depuis qu'ils ont installé ça. Là. Les gars, tu vas leur parler, puis c'est pas comme dans l'annonce, ils sont hargneux. Ah, oui. Tu vois qu'ils n'ont pas dormi depuis une couple de semaines. Ils sont comme... Qu'est-ce qu'il y a? La boîte. Ouais. Fred, où est-ce qu'on peut te trouver sur les intertubes? Sur Twitter. Là, je suis pas mal actif, moi, sur Twitter. J'aime bien ça. Là. Donc, F. Brunel, F-B-R-U-N-E-L, hein, tout attaché. Et puis, en ce qui me concerne, moi, je suis toujours dans le mobile. Je suis pas encore... Je suis un peu en break en ce moment, on va dire. Là. Donc, en vacances. C'est pour ça que en ressourcement. C'est ça, en vacances. En vacances, en ressourcement. Mais bon, toujours être dans le mobile. Là. Excellent. Je voulais passer juste un message aussi. Aujourd'hui, en fait, il y avait Cocoa Heads. Ah, OK. Et j'invite en fait tous les développeurs indie ou les gens intéressés sur iOS de venir à cette conférence qui est tous les premiers mardis du mois. OK, c'est où? Généralement, ça se passe au Irish Pub, McKibbin sur Crescent. Okay. Puis généralement, il y a peut-être de 30 à 40 personnes des fois. Puis il y a trois présentations. Et puis on peut retrouver les gens d'Edovia, tous les développeurs d'ici. Luc Vandal qui avait fait Screens. Oui. René Ritchie, Dymore. Il vient régulièrement. Puis en fait, tout le temps, des présentations. J'ai déjà donné des présentations là-bas. C'est vraiment toute la communauté est là. Et ils vont parler de marketing, design et puis développement. On voulait aller, je ne sais pas si tu es au courant, on voulait aller à Singleton aussi, ouais, mais c'est passé. C'est là. Vendredi. OK, c'est vendredi. Ouais. On a essayé de rentrer, mais un petit peu trop tard, de demander notre passe Nadia. Ça se remplit très rapidement. Luc a été un peu raide sur les... Non, mais c'est vrai que c'est limité, puis ça, c'est vraiment... je vous tiendrai au courant. Écoute, parfait. On pourra s'en reparler ou même on pourra s'appeler si tu veux. On te réinvitera, effectivement. D'accord. On se fera un FaceTime audio. Qui fonctionne très bien. Exactement. J'en ai mentionné ça. Une fois, j'étais impressionné de la qualité audio. Ouais. Tu peux demander à Siri. Tu fais FaceTime audio telle personne, puis tu l'envoies. Ouais. Et un autre petit truc, si vous avez l'application Find My Friend sur votre téléphone, tu peux demander à Siri, trouve-moi Jean-François tout de suite. Je l'ai essayé. Puis ça piste. Hey, je voulais vous demander, en parlant de FaceTime, ces affaires-là, mettons quand vous faites des appels avec votre 5S, est-ce que vous appelez encore en 3G ou en LTE avec cette version-là? Est-ce que vous le savez? Je me suis posé la question. Vérifié. Je me suis posé la question la semaine passée, juste parce que avec le iPhone 5 LTE, quand tu fais un appel, tu tombes sur le 3G. Au début, je pense, tu le faisais, puis quand ils ont mis le... LTE, parce que ça dépend de l'infrastructure du réseau. Rogers, Fido, le réseau de Microcell ancestral, ça se peut qu'il migre, parce que le back-end LTE était, pendant une bonne partie de temps, était uniquement sur la partie data. Okay. La partie voice n'était pas complètement migrée dans le réseau. Le réseau de Bell puis TELUS, c'est une architecture complètement différente. Je sais que moi, je fais du LTE bord en bord, là, mais... Okay. Ça dépend. Peut-être qu'ils sont en train de migrer encore. Là. Ah, OK. Ah, c'est peut-être encore mes antennes au coin de Pineuf puis Rosemont qui sont défaillantes. Sur le vieux bâtiment. Il n'y a personne qui habite là-dedans. Hein? Ah non, il y a des serveurs Vidéotron dans ça. Là. Oui, c'est vrai. C'est 14-15e, tu peux pas aller là. C'est all the way serveur Vidéotron que dans le building. Ouais. On pourrait installer SteamOS là-dessus. On va, avant de partir, remercier encore une fois nos commanditaires, ClickPom, que vous pouvez trouver au www.clickpom.com, ReptileTech, que vous pouvez trouver au www.reptiletech.com. Comme on remercie Paul Ross et sa gang. Et iRepair Montréal, où rendez-vous directement dans leur magasin au 1184 rue Sainte-Catherine-Ouest, suite 101. C'est pas très loin du Apple Store, si non, je me trompe. Non, c'est super proche, puis ils ont une belle pancarte. Là, c'est facile à trouver. Là. C'est clair à trouver. On voudrait encore une fois remercier nos invités d'aujourd'hui, François Pau et Frédéric Brunel. Voilà. Le prochain rendez-vous pour le podcast devrait être le mardi 22 octobre à compter de midi, effectivement, pour l'événement spécial Apple à propos du iPad. C'est pas encore officiellement confirmé, mais c'est comme vraiment officieusement confirmé. Ouais. C'est dans deux semaines. De toute façon, si c'est pas pour l'événement, ça va être le mardi, là, dans deux semaines. Voilà. Mm-hmm. Et il y a François qui croise les doigts parce que lui aussi voudrait un iPad mini Retina Touch ID hologramme puis tout. Mais, mettons qu'il n'en sorte pas un Retina, pensez-vous qu'ils vont en vendre du mini? Oui, ils vont en vendre plein. Ouais, ben moi, je vais Non, mais quand ils sortent pas d'iPad, un Retina... J'ai plus d'iPad, donc je vais en acheter, mais bon. S'ils sortent pas un iPad mini Retina, est-ce que les gens vont l'acheter quand même? Moi, je pense que oui. Ils vont vraiment intégrer Touch ID. Là. Il faut qu'ils intègrent un changement. S'ils font juste sortir un iPad mini, puis ils rajoutent la couleur gold, puis un processeur que personne ne voit, ça, il n'y a pas personne qui va en acheter, ou bien les gens vont chialer, puis ils vont vendre... Le gars, moi, je veux qu'il fasse quelque chose d'important parce qu'attendre en ligne jusqu'à 3 h du matin et qu'il n'y ait pas un chat, ça me tente pas. Ouais. S'il y a un écran Retina, peut-être que je vais aller attendre en ligne avec toi. Oh, excellent! On est prêts en tabarouette. Tu l'achètes s'il y a un écran Retina, GF? Le mini. Ah ouais? Ouais. T'as pas d'iPad, toi? Non, j'ai pas d'iPad, moi, mais je me suis dit que si le prochain iPad Retina, là, c'est clair, je l'achète. Et n'oubliez pas cette nouvelle tendance qu'on a prise depuis le dernier événement. Nous, on va faire le live, mais à compter de 21h15 le soir même, Jean-François et Bernard prennent les ondes et vous aurez en fait l'aftermath de la présentation avec tous les petits détails. Un coup que la poussière est retombée. Voilà. On pourrait traduire ça par la retombée de poussière. Le Fukushima. Voilà. Et on vous rappelle de ne pas manquer ce samedi 12 octobre à compter de 18h, le podcast All-Star regroupant entre autres les collaborateurs des podcasts Radio Talbot, Objectif Numérique, le dernier des podcasts, Rétro Nouveau, L'Épée Légendaire, Fun Jouer Jeu et Les Mystérieux Étonnants. L'équipe de Mac Québec participera également à l'événement. L'émission spéciale sera diffusée en direct sur le site des Mystérieux Étonnants au www.mystérieuxétonnants.com. Messieurs, avant de partir... Oui? Ça veut dire qu'il faut que je sois ici de samedi? C'est ça? Hein? Ouais, non. Ça a l'air de temps. Bernard vient de nous écrire, il sera malheureusement pas là. Il y a une game de golf à West Palm Beach. C'est une bonne excuse. Oui, non, c'est pas ça. Il fait du géocaching. En Estrie, en fin de semaine. Ça va cacher quelque chose, puis après ça, il le retrouve avec un GPS. C'est malade. Ouais. C'est pas lui qui cache les trucs. Siri trouve la bebelle. Tu laisses un iPhone à côté. Tout le monde tourne à gauche, tourne à droite. OK, il est là. Jean-Michel, où peut-on? Ouais. On va me rejoindre sur Twitter au JM_Boily. C'est ça. Moi, c'est JFroy1979 sur Twitter. Sur Twitter, toujours présent. Tu dors à peu près 1h30 par nuit. Toujours. Mon spin d'heure, là, c'est vraiment entre minuit et 1h, je suis là. Moi, c'est comme je réponds du monde. C'est bon. Mais on a IFTTT qui peut porter confusion à des gens. Là, anecdote comme ça. L'autre jour, je pense que c'est dimanche, je me lève, il était 11h30 à peu près, puis ma mère me dit... C'est-tu vraiment levé à 6h15 du matin pour aller mettre quelque chose sur ton Facebook? Parce qu'elle voyait justement qu'il y avait un article de Mac Québec. C'est une maudite bonne raison pour ne pas suivre sa mère sur Facebook. Pour ma part, vous ne pouvez pas me retrouver sur app.net. C'est pas mal mort. Vous pouvez me retrouver un petit peu plus sur Google+. J'ai commencé à utiliser ça. Il y a des belles communautés de spécialistes, entre autres au niveau du podcast. Je suis en train de travailler sur la migration du podcast vers Libsyn, un serveur qui va vous permettre de télécharger les podcasts beaucoup plus rapidement. Et évidemment, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier. Ferme-le, débranche tout, ferme-le. Il est-tu fermé? Oui, il est fermé. OK, cool. Donc, au Alex Cornelier, où vous pouvez suivre le compte de ClickPomme, CLICKPOMME. Donc, on arrête ça là. On s'en va sauver un MacBook Pro. Okay, au revoir. Bonne soirée. Bye.